Jean-Pierre. Clap à l'américaine. Jean-Pierre, ça fait tellement longtemps. On vient de niquer le compresseur. Ça fait tellement longtemps, Jean-Pierre. C'est vrai, ça. C'est vrai. Vous êtes bien sur Fruit de la Station. Je suis Jean-Pierre. Non. Je suis Richie Booz et vous êtes. Jean-Pierre Bernaud pour vous servir. C'est important. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que. Jean-Pierre, est-ce qu'on explique un petit peu à nos auditeurs Est-ce qu'on se doit d'être transparent ou pas? Bah ouais, c'est vrai qu'on les a menés en bateau pendant quelques temps. Pas très longtemps. Et puis d'un côté, c'était pour leur plaisir aussi et puis pour le bien-être de l'émission, quoi. Disons qu'on n'a pas rougi, on a fait simplement ce que font beaucoup de podcasts, de YouTubers et autres vidéastes soutenus par le Centre National du Cinéma. Exactement, le CNC et autres personnes à succès comme nous. C'est-à-dire, allez-y. Et donc, vous êtes parti en vacances. En vacances, et non, du coup, on avait enregistré plusieurs émissions pour vous donner quelque peu, un petit peu de plaisir quand même, pas vous abandonner complètement. En fait, Jean-Pierre m'a complètement abandonné. C'est vrai, c'était des vacances un petit peu longues qui ont duré près de 8 mois, donc des bonnes vacances, bonnes grosses vacances d'été. Fait qu'on s'est pas vu depuis un moment et que là on se retrouve et qu'on est complètement surexcité. On s'est pas vu depuis 9 mois quasiment, pour être plus ou moins exact. Une gestation quasiment. Et oui, c'est vrai. Finalement. C'est vrai ça. Et du coup on se retrouve enfin et c'est un vraiment gros plaisir. Je pense que vous allez l'entendre pendant cette émission. Comment était votre voyage, Jean-Bien? C'était chouette. Voilà. Alors, autrement. Parce que faut savoir que le récit de voyage, c'est en soi tout un symbole psychologique et. Comment ça? C'est-à-dire qu'une personne à qui on demande comment était son voyage, il y a différents types. Il y a des gens qui vont vous dire directement c'était très bon, j'ai très bien mangé. Oui, c'est vrai. Ils vont dire les paysages, voilà, ou alors les gens. Ouais. Les gens étaient très sympas, etc. Et d'autres, par contre, juste un peu dans ce que vous dites là, genre soit la nourriture, soit nanana, mais de façon négative, toujours. Oui, il y a toujours aussi. Des gens. Voilà. C'est comme les gens qui vont dans un restaurant et sur un site d'avis, TripAdvisor ou autre, mettent déjà, on a vachement galéré à se garer. Ouais. On a envie de trouver une place dans le quartier. C'est vraiment compliqué, quoi. Vraiment chiant le créneau et franchement. En plus, ma femme était insupportable. Ouais, voilà. Elle a pas voulu prendre le menu le moins cher. Enfin, radasse. Ouais, voilà. Et c'est vrai que, comme vous dites, je suis assez d'accord. Moi, je fais plutôt partie de la catégorie des gens qui trouvent que ça sert à rien de raconter, en fait. Enfin, pas, ça sert à rien de raconter, mais déjà un voyage comme ça de 8 mois, on peut pas raconter vraiment. Et puis en plus, voilà. Vous êtes marié là-bas, c'est ça? Ouais, j'ai eu. Que plusieurs... vous y alliez pour du tourisme sexuel et finalement exactement. Vous avez rencontré l'amour. J'ai rencontré l'amour, la petite Géraldine, 7 ans. Mur de Bretagne. Alors vous étiez pas loin du tout en vacances, on rencontrait. J'étais dans Géraldine, exactement. Vous étiez dans l'Essonne. Oui, c'est ça. Le Doubs, en Franche-Comté. 2-5 RPZ. Et vous êtes content de revenir ici, ouais, c'est l'été, très et du coup c'est la belle saison. Oh là là, je me suis baladé dans les rues, il fait super beau, il y a du monde en terrasse, je suis allé au Carillon et tout, vraiment très sympa. C'est votre saison préférée, l'été. Exactement, c'est ma saison préférée. Après, c'est pas la mienne forcément. Mais... C'est vrai, pourquoi? Du fait de votre surpoids, vous galérez un peu? Déjà, oui, je suis très sujet aux grosses chaleurs. C'est vrai. Comme votre chienne d'ailleurs. Je suis plus à l'aise pendant les périodes hivernales, surtout quand on me déguise en bonhomme de neige. Comme vous, c'est vrai. Avec ma carotte. Sur le nez? Et sinon, vous, Richie, comment ça va? On parle de moi, Ça va très bien. J'ai beaucoup bûché, j'ai beaucoup travaillé pendant votre absence. C'est vrai. Et je peux annoncer à tous nos auditeurs que dès aujourd'hui, Fruit de la Station va prendre un essor mondial, international. Phénoménal. Il y aura plus d'épisodes, ils seront plus réguliers. Il y aura un épisode tous les 15 jours. On va c'est multiplier. Faux. Si, c'est vrai. Non, oui, Jean-Pierre. C'est vrai. Non, mais vous ne nous mettez pas non plus un coup de pression. Je mets un ça. Coup de pression, ça nous forcera à le faire. Vous savez bien que quand on ne dit pas, on ne fait pas. C'est vrai. Et le fait, comme ça, d'annoncer, de s'engager, de faire une sorte de contrat tacite avec nos auditeurs qu'on aime et qu'on respecte, ça nous obligera à le faire. On va aussi multiplier les collaborations, c'est vrai. Oui, on aimerait bien d'ailleurs. On va annoncer les prochaines, mais pas du tout, comme parce que c'est à la grande époque, c'est dans les tuyaux, c'est-à-dire l'époque de la collaboration. Oui, pardon, autant pour moi, j'ai la mémoire courte. Non mais oui, moi, je suis d'accord avec vous, on va vraiment essayer de faire ça. On va en tout cas tendre vers cet objectif. Donc n'hésitez pas à nous encourager. Oui. Les messages nous font chaud au cœur. Et pour nous pas encourager tous. Qu'est-ce qu'on a? Notre Tipeee, évidemment. Notre Tipeee qui atteint 13 euros Celsius. Ouais, c'était ma grand-mère. Ah. Ouais, qui a vraiment filé 13 balles. Monsieur, mais oui. Ah, Pasqualino. Le retour de Pasqualino. Ah, mais merci. Oh, merci, mignon. Ça fait plaisir. Et Pasqualino qui était pas en voyage, non, il est pas retourné chez lui, non, il est resté avec moi, j'étais seul sans vous. C'est vrai? Ouais, oui. Oh, il vous a tenu chaud? Oui. Pendant cet hiver, oui, qui a été rude d'ailleurs. Il a rude fait hiver. Office de bouillotte. Mmh. Et il n'a pas fait office de tourisme. Et vous l'avez bouillave surtout. Oui. Allez, voilà. Très bien. C'était cadeau. Qu'est-ce qu'on a de prévu de beau avant l'émission? Écoutez, on peut partir sur un petit sommaire, si ça vous va. Moi, j'aimerais bien faire un petit retour sur des choses que j'ai vues, qui m'ont plu. Voilà, des choses un petit peu différentes parce que j'ai pas pu trop aller au cinéma. Même si, j'ai été voir des films quand même pendant mon voyage. Mm-hmm. Autrement, je voulais parler d'une petite série que j'avais bien aimée. Une série un peu originale. Allez-y, on est parti. Un livre. Ah, on part en direct maintenant. Bon, bien sûr, allez-y. Après, j'ai d'autres jeux aussi. Juste, non, mais allez-y. Je les détaille pas plus. Mais. Commencez okay. pas à m'énerver. Putain, l'ambiance, quoi, ça m'avait pas manqué. Et juste vous, par contre, vous allez nous parler de quoi ? Est-ce qu'il y aura un maxi pitch ? Parce que oui. Les gens, certaines personnes m'ont dit qu'ils arrêtaient d'écouter l'émission. Je peux déjà le dire, il y aura un maxi pitch. Parfait, ok, très bien. Et j'ai mis vraiment ça, j'ai vraiment bûché pour l'inventer. Oh non. Classique de la psychologie contre-inversée de comptoir rétroversée. Très bien, rétro-pédalage. Je voulais parler de la série Calls. Ah oui. Oui, j'ai trouvé ça très très bien. Elle est très très bien, c'est une très belle série. Ouais, je connaissais absolument pas. C'est son biopic à Darry Calls. C'est sa vie, c'est ça. C'est ça, un peu sa vie, son œuvre. Ouais. Voilà. Non, je ne connais pas du tout cette série. C'est vrai rien. Non, vous connaissez pas. Enfin, okay. Si, c'est vrai. Vous m'avez perdu. Calls, vous savez pas ce que c'est. Non, je connais pas. C'est une série de Timothée Hochet. Comme si c'était, ça tombait sous le sens. Bah, pour le coup, je connais Timothée Hochet. Vous connaissez Timothée Hochet ? Oui. C'était un jeune vidéaste sur YouTube. Exactement. Il a fait différentes séries. Bah, justement. En fait, il a court métrage, etc. Oui. Par contre, quand je parle, enfin voilà. Après, ça s'appelle de la décence et du savoir vivre, mais si vous pouviez éviter. Après, si vous n'êtes pas dans le partage. C'est vrai. Déroulez votre chronique sur les tardigrades et on y va. Oh, ça, c'est vraiment un coup bas, quoi. Parce qu'on l'a écrit à deux, cette chronique, Richie. Non, Call, c'est une série donc de Timothée Hochet, comme j'ai dit. En fait, il a commencé à faire cette série-là sur sa petite chaîne YouTube. Sa petite chaîne qui doit avoir sans doute bien plus d'abonnés qu'on n'aura jamais, quoi. Je pense. Oui, sans doute, voilà. Et ensuite, ça a été racheté par Canal+. Et pourquoi j'ai trouvé ça original ? Parce qu'en fait, c'est une série qui n'a pas de... Il n'y a pas d'image, c'est juste du son. Et du coup, Canal+, c'est sur Canal+, décalé, je crois. Ou mais Canal+. C'est une fiction audio, du coup ? Ouais, en fait, c'est une fiction audio. Ce qu'ils ont fait sur Canal+. Excusez-moi, ouais. En quoi c'est original ? Bah, parce que Canal, une chaîne comme Canal, rachète une fiction audio, je crois que c'est la première fois. Non. Ah bon ? Il y a eu quoi d'autre ? En 82, il y avait eu... Stop, c'est bon. Stop. Non, mais je sais non, que bah, c'est faux. Très bien. Voilà. Et du coup, en fait, il n'y a pas 83, des... 83, je crois. Octobre 83. Ouais. Ouais, très bien. Il y a mais pas c'est d'image, c'est juste en fait, il y a des petites images un petit peu abstraites qui passent. Ouais. Et juste il y a des bulles en fait. Donc ça à regarder quand même, il faut un écran quoi. Bah non, mais après si vous l'avez pas, c'est pas grave. C'est en plus. Ouais, c'est en plus, c'est du mais bonus. Par contre, faut écouter si on regarde en fait, que l'image. Ils ont fait ça dans le but que ouais, quoique. Non, ouais, sinon c'est chiant. Si vous avez que l'image, c'est chiant. En fait, ils ont fait ça dans le but que les gens pensent pas que leur téléviseur est buggé. Vous voyez ? Donc, faut mettre un petit peu d'image. Parce que quand tu te mets sur Canal+, en général, tu t'attends à avoir des images. Ah, parce que c'est diffusé, vraiment ? C'est diffusé, vraiment ? Oui, c'est diffusé. Non, vraiment. Mais je veux dire, ça pourrait être sur Canal Play, disponible. Non, c'est passé sur Canal+. Alors, c'est, je crois, Canal+, décalé ou un truc du genre. Mais ouais, ah c'est... ouais, coupé décalé. Ouais, ouais, exactement. Putain, ouais, exactement. Exactement. Et du coup, il y a juste les personnages, quand c'est eux qui parlent, on va dire qu'il y a leur nom qui s'illumine un petit peu plus pour que l'auditeur se repère plus facilement. Et voilà, il a fait des fictions sonores comme ça. Donc, il faisait ça sur sa chaîne YouTube. Ça a été repéré par Canal et Canal l'a diffusé. Et là, récemment, sur son compte Twitter, Timothée Hochet, il a annoncé que ça allait être adapté aux États-Unis. Ah ouais, donc, oui, classe. Gros succès quoi. Donc voilà, il y a les images abstraites qui bougent un petit peu pour que voilà, on pense pas que la télé est buggée. C'est la première saison, c'est genre 10 épisodes de 10 minutes à peu près. Et donc c'est toutes des fictions sonores sur le monde un peu du thriller, de l'horreur, de l'angoisse. Et c'est trop trop bien. Enfin moi j'ai pas vu la totalité, mais j'en ai vu quelques-unes et c'était vraiment bien. Et surtout il y a des acteurs de ouf qui participent quoi. Enfin genre pour citer quelques noms, il y a Ken Kojandi, Jérémy Régnier, Gérard Jugnot, je crois. Ouais, Patrick Timsit aussi qui refait d'ailleurs son célèbre sketch sur les trisomiques et les têtes de crevettes. Et je crois qu'il y a un caméo de Patrick Dils. Exactement. Qui d'autre ? Gaspard Ulliel, Sarah Forestier. Ah oui, quand oui, même. Ah non, mais Camille Cotin, pardon. Camille Cotin, ouais. Et Charlotte Lebon. Enfin voilà. Après, moi j'en ai écouté un. Le petit bémol. Parce qu'il c'est faut mettre des bémols. Chier. De quoi ? Hein ? C'est que c'est un peu à chier, non ? Non, ouais, exactement. C'est vraiment le petit bémol. Le concept est mortel. Le concept contre, est bien. Bah, par contre, le déroulé, c'est vraiment chier. De la merde. Non, j'ai trouvé qu'il y avait une chute. Que j'ai, enfin, en tout cas, dans un des épisodes, la chute parce était que c'est ouf. Une histoire par épisode. Ouais, ouais, d'accord. C'est ça. C'est vraiment des trucs indépendants, ça se suit pas. Et à chaque fois, donc, c'est des acteurs différents dans un univers différent. Par exemple, j'en ai écouté un qui était dans le monde de la plongée. Donc, en fait, c'est un groupe de personnes qui va plonger. Et pendant cette plongée-là, il se passe un truc pas cool. genre un petit pépin. Ouais, et un requin. Ouais, bien vénère. Et quelqu'un qui vomit dans son détendeur. Et qui... Oh, vous connaissez les termes techniques ? Bah oui, j'ai fait de la plongée à haut niveau. Bah vomir surtout. Mais et je faisais de la plongée hors, enfin en extérieur, en, oui, évidemment. Dans, bah, dans l'air. Sur la plage quoi. Oui. Oui, bah pour commencer, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Ouais. Et la chute de cet épisode-là, je la trouvais pas ouf. Voilà, c'est le petit bémol. Ouais, ça arrive ça. Que la chute soit pas ouf. Ouais. Comme après une bonne baise. Enfin, oui, oh. Après... vous êtes coquin. Un coquin. Un vous coquin, un petit coquin. Brigand. Oui. Donc voilà, mais après c'est... Oh putain, non mais ça m'avait vraiment pas manqué, franchement. C'est 9 parce que... mois sans voir votre... Moi. Mais non, Galino. Personne n'y a cru. Alors là, je vous dénonce, c'est pas ah du tout. Non, mais parce que on peut être aussi nous le premier podcast à Arrow adapté aux États-Unis. Oui, et en plus, ah non, il y a déjà la série Arrow. Oh putain, non. Série aussi à chier que cette blague d'ailleurs. Ah, vraiment quoi. Ouais. Non, et puis c'est notre petit côté fan de Rick and Morty, j'ai envie de dire. Vous suivez pas Rick and Morty. Ah, la version française. Version allemande. Ah oui, pardon. D'Eric est Morty. D'Eric. Oui, oui, c'est vrai que ça rote beaucoup dans Rick et Morty. Tout le monde trouve ça génial et on n'aurait pas le droit de roter. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Après, il y a des gens qui ont arrêté de regarder Rick et Morty parce que justement, ça rotait trop. Oh. Bah oui, mais après, il y a des âmes sensibles. Hein. Faut respecter Richie. Et vous ? D'accord. Mais c'est vrai que je sais qu'on n'est pas tous égaux face au raw. Non. Et qu'il y en a vraiment que ça dégoûte énormément. Mais il y a des gens. Moi, j'étais en colocation avec une personne lorsque j'habitais à Nantes. Oui. Et cette personne, hein, qui était une jeune fille tout à fait charmante au demeurant, rotait énormément. Non, justement, je rotais moi comme à l'accoutumée. Mais elle ne supportait pas ça. Ça la dégoûtait vraiment, quoi. Et une fois que j'ai compris ça, évidemment, j'ai tout de suite continué à roter de façon plus sonore fort, et de plus en plus forte. Vous achetiez des boissons gazeuses exprès pour. Je mangeais beaucoup de moutarde aussi. Des radis. Se faire ôter les radis ? Oui. Je ne savais pas. J'aime bien un radis. Oh, j'aime bien. Donc voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que je m'excuse pour les gens qui sont rototo sensibles. Ouais, d'un côté, après, voilà, on est sur internet, on fait ce qu'on veut, on fait la liberté, j'ai envie de dire. Mm. Non, et puis bah, après, voilà, comme vous dites, on s'habitue à tout. Je vous ai fait écouter un petit ASMR de nourriture de pavé de saumon juste avant qu'on commence l'émission. Là, j'ai failli vomir. Là. Oui, alors tapez ASMR nourriture sur YouTube, vous prenez la première vidéo, c'est-à-dire la moitié du visage d'une meuf qui mange des pavés de saumon cru et dites-nous-en des nouvelles, quoi. Voilà, c'est vraiment horrible. Un des pires trucs que j'ai dû entendre. Si un jour je tourne un film d'horreur et que j'ai besoin de bruitage, j'irai les choper là-dedans. D'accord. Voilà. Et vous, bah, très bien pour votre petite découverte Calls disponible sur Canal Plus pour les abonnés Canal. Oui. Si on dirige sur sa chaîne YouTube toujours ou du coup il a dû. Je crois que ouais non du coup il tout a dû migrer sur Canal. Par contre, n'hésitez pas à suivre Timothée Hochet qui est un jeune mec plutôt très talentueux. Oui, mais il faut garder une distance de sécurité aussi. Non, mais évidemment. Respecter sa vie privée. Complètement. Mais vous pouvez voilà 500 mètres quoi. Alors oui, vous êtes recruté. Non mais oui parce que je voilà un vrai volcan à Raw. En parlant de YouTube. Oui. Moi je suis une chaîne YouTube. Ah. Une chaîne YouTube de gents. Une chaîne entière. Une chaîne YouTube, oui. Ouais, ouais. Qui s'appelle Ina Société. Oh. C'est la chaîne de Lina. Allez, top chronique chiante. Non, pas du tout. Si. J'ai vu une vidéo ce midi qui est sortie. Assez mythique. S'il vous plaît. Non. Je vous ai laissé parler pour Cole, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est fou. Assez mythique, le site de rencontre. Allez-y. Mais j'ai pas dit assez mythique. Ah, vous avez dit quoi ? Une vidéo assez mythique. Ah, très bien, le site de rencontre. Allez-y, continuez. Et en fait, c'est une vidéo qui est sortie hier. Et donc, okay. Ina Société, pour ceux qui connaissent, c'est des archives de Lina. Oui, bah, Lina, quoi, enfin... Oui, oui, mais... Non, je veux pas être condescendant, mais je veux dire, tout le monde connaît Lina. Non, oui, mais Lina, pour ceux qui connaissent pas, oui, merci. Non, Lina Société, la particularité de cette chaîne, c'est que, donc, parce qu'il y a Lina, donc les documents de l'audiovisuel, mais Lina Société, ce sont des documents qui sont liés, en fait, aux questions sociales qui ont été posées aux personnes dans le temps. D'accord. Il y a une vidéo qui est sortie il y a deux jours, je crois, le 27, et, très bien. Et qui deux s'appelle donc L'An 2000, vu par les jeunes de 1962. Okay. Et c'est, en fait, des jeunes d'à peu près 14 ans. Ok. 14, 15, on trouverait entre 13 et 18 ans, et en fait, qui racontent comment ils imaginent que sera la vie en l'an 2000. 2000. Okay. C'est-à-dire déjà, avec, alors, c'est vraiment pas pour vous embêter. Oui. Juste, je me permets encore une fois de vous couper la parole, et je suis désolé, mais c'est vrai que même nous, quand on était enfants, pourtant on date pas d'hier. Mais non, mais je veux dire, on vient pas de 1962, on n'est pas né en 1962. Mmh. Déjà, pour nous, l'an 2000, c'est un peu la folie quand même. Même dans les années, je sais pas moi, 97-98, alors que pourtant on était vraiment pas loin, mais pour nous, il allait y avoir une rupture. On sait mais pas d'où elle allait sortir, mais il y aurait une rupture. Et donc en fait, ils ont juste à du coup trouver ce qui se passera dans, du coup, en 62, en l'an 2000, 38 ans. À essayer d'accord. de deviner comment sera la vie dans 38 ans. Donc en eux, ils auront à peu près une cinquantaine d'années, grosso modo. Et ce qu'ils disent, déjà, ce qui frappe premièrement, c'est la qualité de langage des jeunes à cette époque. Ah, et ouais, ils interviewent des jeunes ouvriers qui ont 14 ans, parce que j'imagine qu'on pouvait bosser à 14 piges, commencer à bosser à cette époque-là. Oui, oui. Et ils parlent, ils sont très calmes aussi. C'est fou par rapport qu'on voit des interviews des micro-trottoirs aujourd'hui, tout le monde est très surexcité, quoi. On est tous un peu plus speed, je pense. Les jeunes comme les moins jeunes, et on voit, ils sont très calmes, ils ont un langage vraiment de qualité. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui ont une vision assez correcte. Voilà, il y aura vraiment la technologie qui sera omniprésente, présent, etc. Dans le quotidien et tout. Évidemment, toujours qui sont dans le délire des voitures volantes, ça n'arrivera jamais. Bah, on a quand même les trottinettes électriques maintenant, c'est pas dégueu. Les trottinettes électriques, c'est vrai, mais c'est très touchant de voir. Il y a des gens qui vont être très positifs, qui vont nous dire voilà, oui, bah, du coup, on sera tous riches. Il n'y aura plus aucune maladie. On sera tous riches. On vivra tous dans l'X, on aura tous des maisons. Il y en a d'autres qui seront là, bah non, on sera tous dans des immeubles, il n'y aura plus de jardin. Ah, c'est marrant. En fait, c'est très marrant de voir avec le recul comment on imagine les choses et on se rend compte qu'on se trompe un peu toujours. C'est-à-dire que là où tout le monde a imaginé toujours qu'on aurait des combis en aluminium et qu'on aurait des voitures volantes, la voiture autonome, je pense que c'est même dans la science-fiction, ça n'a pas été souvent imaginé. C'est pas quelque chose qu'on arrive à concevoir. Et donc voilà, et vous, si je vous pose la question, du coup, c'est vous ça. Aussi dans 38 ans, donc en 2056, Marmion, qu'est-ce qui va changer ? Comment vous imaginez les choses pour le monde, les mœurs, la liberté, la guerre, la technologie ? Justement, c'est un peu ce que j'allais vous dire, c'est que c'est marrant parce que je pense qu'on repose la question, comme vous venez de le faire pour moi, maintenant, quoi. Je pense que on se trompe aussi, je pense. On se trompe forcément. Et je pense qu'on a toujours un petit peu les mêmes fantasmes. Enfin, c'est marrant le côté. Je pense qu'on poserait la question aujourd'hui, des gens diraient par exemple « Ah bah il n'y aurait plus autant de maladies qu'avant, on pourra vivre plus longtemps, ou alors on va se faire cryogéniser, ou alors évidemment il y aura les voitures autonomes et plein de trucs autonomes. » Je pense qu'il y a un fantasme qui disparaît, en revanche c'est le fantasme de moins de pauvreté, parce qu'on a vu avec même avec la révolution technologique, avec les tâches les plus ingrates qui ont été enlevées, en fait, puis vu que les robots... On fait le travail des humains. Oui. On s'est dit que les gens allaient être libérés, mais en fait, ce qui s'est un peu inversé, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les humains font le plus souvent le travail de robots, en fait. Sur des ordinateurs, à faire des tâches. Même tout ce qui est service après-vente, tout ça. Alors, même si ça aussi, on est en train de l'automatiser. Oui, mais après, Omar et Fred, c'était quand même très sympa. Enfin, ce qu'ils avaient fait sur ce programme, c'était quand même assez chouette. Je vois que vous avez quand même de sacrées références, déjà. Non, mais oui, je suis d'accord avec vous. Après, il y a plein de trucs qu'on automatise, mais en fait, ce qui est sûr, c'est que les inégalités, ça, vont persister. Et après, moi, pour le futur, je suis pas très très optimiste. Hein. Je pense pas que ça va forcément aller mieux, que ça va pas aller en s'arrangeant. Vous pensez pas 2056, vous voyez ça comment ? L'écologie. Bah voilà, ça, par exemple, l'écologie, je pense pas qu'on en fasse une question prioritaire aujourd'hui, et pas en tout cas pas suffisamment pour que on puisse résoudre des problèmes. Il y a plein d'initiatives trop cool qui se passent, mais je suis pas sûr que là, en ce moment, on prenne une direction méga cool, quoi. Après, c'est fou comme le ton de fruit de la station a changé là. C'est pas du méga sérieux. On peut voir aussi qu'il y a quand même. C'est très bizarre. Il y a quand même. Ça va quand même vers le mieux. Il y a aussi des choses qui ont été. Si on voit par exemple. Dans l'écologie par exemple, qu'est-ce qui va vers le mieux ? Si on prend par exemple des choses des années 90, disons de 80-90. Ouais. Le bio était quasiment inexistant. Ouais, c'est vrai. Où toutes les choses, il fallait produire, les pleins de colorants, de trucs qui ont été enlevés. Les gens font beaucoup plus attention à enlever plein de choses. Ouais. On essaie de faire ça. Après, il y a plein de choses qui vont très mal parce qu'il y a beaucoup plus de gens à nourrir, etc. Mais il y a quand même des petites prises de conscience qui, quelqu'un en 92, avant de trouver quelqu'un qui essayait d'acheter local, qui essayait d'acheter bio, qui essayait d'acheter quelque chose, fallait chercher, quoi. C'est pour ça que je suis d'accord. Nous, on nourrissait avec du gras de porc fumé au goûter qui avait trempé dans le pétrole. Bah, je me suis déjà vu croquer à même l'animal. Moi, je me suis déjà vu croquer à même l'animal. Oh merde. Ça, c'est une mécanique comique qui est assez compliquée à maîtriser. C'est-à-dire de répéter. Ça s'est entendu, je crois. C'est préciser la pensée de quelqu'un en la répétant mot pour mot. Mais vraiment avec une demi-seconde d'intervalle. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais en tout cas, voilà, je voulais dire, allez voir Ina Société. Donc, il y a plein de choses. Ils interviewent les voyous des cités, mais des années 60. Ok. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un langage un peu. Qui a un langage très étrange, complètement décalé. Genre, ayez l'obligeance de m'acheter cette barrette de shit. Wesh. Wesh alors, elle est où Nabila, quoi. Ok, d'accord, donc aucun changement par rapport à aujourd'hui. Ouais, non. Non, vraiment pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une chaîne, je peux passer des heures à regarder ces trucs-là. Très bien. C'est complètement fascinant, en fait. L'INA Société. Et pour question, parce que évidemment, je me suis un peu moqué de vous au début de cette chronique. Oui, enfin, là, cette chronique. C'est habituel. Hein. Ce torchon, là, vous venez nous pondre. Il y a l'INA Société. Est-ce qu'il y a INA d'autres. Oui, il y a l'INA tout court, donc les vieilles émissions, mais aussi l'INA Musique. Et puis il y a INA Turner, surtout. Non, moi personnellement, c'est moi qui l'ai faite, mais je la trouve bien. S'il vous plaît, vient de mourir avec son accordéon. Yvette Turner. C'est la sœur de Tina Turner, Yvette Turner. Attends pour moi. On l'embrasse, elle nous regarde de là-haut avec son petit accordéon. Oui. Il aurait bien appuyé sur la touche. Et avec Ike. Oh. Allez, très bien. Oui, donc, excusez-moi, du bah, coup... Il y a aussi Lina Musique, on peut voir 50 minutes, les plus grandes chansons de Christophe, de Véronique Sanson, pour qui aime la chanson française de la variété. Christophe Martichon, pour les intimes. Ah, pardon, excusez-moi, votre voilà, moi, je voulais vous parler de ça. Écoutez, très bien. Si vous ne vous intéressez qu'à Timothée Hochet, qu'aux petites pouliches, qu'aux petites starlettes de YouTube et de la twittosphère et de la blogosphère, là, très bien, libre à vous. Et deux visions différentes, c'est tout. Deux visions différentes de la vie. Moi, je voulais parler quand même de... il est si mignon. Je me suis pris d'affection pour lui, vous savez, il m'a beaucoup... Moi, je me suis pris une infection sur lui. Ah. Putain. J'ai été au cinéma dernièrement. Bravo. Et pendant mon voyage, et donc sachez qu'il y a les mêmes blockbusters disponibles, hein, c'est un peu la notion du blockbuster. Donc je voulais juste en parler vite fait, vraiment très vite fait, mais j'ai été voir le dernier Avengers, et j'ai trouvé ça cool. Moi j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Après c'est vrai que c'est sorti il y a quelques temps, donc voilà. Et j'avais envie d'en parler avec vous. Oui, je vous en prie. Voilà, et j'ai trouvé ça trop trop bien. J'étais comme c'est un gamin. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça trop cool. Mais moi aussi. C'est vrai ? J'ai pris beaucoup de plaisir. Mais moi aussi. Mais parce que vous aviez la kick à la main quoi. La kippa à la main. Tant pour moi. Non, mais c'est vrai que moi aussi, je suis d'accord avec vous. J'ai pris. Après, les gens vont me dire dans la rue, on m'a arrêté. Les gens on Richie Booze. On dit Richie Booze, mais arrêtez, c'est moisi, machin, ouais. On en a marre ces films-là. C'est vrai que les gens nous interpellent souvent dans la rue. J'ai envie de dire, les gens, c'est le 40e film du Marvel Cinema Universe. Si vous êtes encore à dire que c'est pas des films. Oui, c'est clair. Non, mais voilà. En gros, au bout d'un moment, les gens, ça fait 40 fois qu'ils vont, c'est vraiment de la merde, c'est final, bah n'y va pas. Bah oui, si c'est ça. Arrête moi, de payer 14 euros ta place. Moi, je kiffe, il y en a que j'aime moins que d'autres, évidemment. Mais il y en a que j'aime bien. Et celui-là, c'était genre, j'étais un gamin de 10 ans, il y avait tous mes super-héros ensemble. Exactement. Qui se bagarraient, j'étais trop content. Moi, j'étais comme un ouf sur mon siège de cinéma, j'ai souri pendant toute la séance. Et j'étais, ah bah ouais, au final, j'étais pris... en camisole aussi. Oui, et oui, c'était un moment un petit peu dur du voyage. Mais j'étais juste trop content. Et voilà, et moi quand je paye une place de ciné, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Oui, non, j'étais vraiment bouillant. Et donc encore vous une fois, vous lui donner un petit coup de pouce à cette franchise. Voilà, après, je savais que ça avait un petit peu de notre audience pour. Exactement, ça a un petit peu du mal à décoller en ce moment. Voilà, un bisbis un peu avec Disney, tout ça, c'était dur pour eux. Donc voilà, j'ai trouvé ça normal. Bien. C'était un acte citoyen, j'ai envie de dire. C'est ça. Après, le Tian Solo Story aussi. J'ai pas vu ça. J'ai pas trouvé ça dégueu, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Apparemment, ça a fait un flop. Oui, il semblerait. Oui. Et autrement, j'ai vu Ocean's 8 aussi. Qui, pour le coup, était quand même. Mais vous allez me dire tous les films que vous avez vus depuis Non, juste les trois. C'est les trois derniers que j'étais allé voir au cinéma pendant les 10 derniers mois. Faites une sélection. Bah voilà, c'est fait. C'est fait, c'est terminé, c'est bouclé. Après, c'était juste une petite phrase sur chacun. C'était un plaisir. Je sais bien, voilà. Très bien, vous avez vu des choses ou... Moi j'ai vu des choses, j'ai une petite série également. Oh. Voilà. Moi si vous voulez, Jean-Pierre, j'arrête l'émission tout de suite. Il y a une ambiance. Vous savez, quand c'était perdu de vue et qu'il n'y aurait plus la magie, les gens le sentent que la magie est morte. Oh, vous dites ça à chaque fois, à chaque émission, j'ai eu le droit. Non, j'ai une série Netflix. Ouais. Netflix, c'est un système de VOD. C'est un peu comme Dailymotion, non? Oui, c'est comme Dailymotion. Ok, d'accord, juste pour resituer. Comme Yadeo. Très bon. Comme MySpace. Ouais. Et du coup, en fait, c'est Netflix, c'est la série Happy. Point d'exclamation. C'est quoi ça ? La série Happy, c'est une petite série donc, qui est sortie cette année, il y a quelques mois, je crois, sur Netflix. Ok. C'est une série de Grant Morrison et Derek Robertson. Moi, je connais pas. Après, pourquoi c'est bien pas de faire pas du avec Christopher Meloni. Je sais pas si vous y allez, acteur, c'est celui qui jouait, je crois, dans New York, Unité Spéciale. Et entre autres, il joue dans plein de films, etc. Il est très connu. Et en fait, cette série, c'est un comics à la base. C'est un comics. Ouais. Ok. Et ça se passe dans une ville vraiment cradingue, style Gotham, City, quoi. Gotham. Vraiment, voilà, il y a des monstres, enfin des monstres, pas des monstres, mais des gangsters, des méchants, des vilains vraiment charismatiques, voilà. Ok. Et donc on a un ancien inspecteur de police, d'accord, voilà, qui a arrêté son métier, qui est en déchéance totale. Ok. Et il y a une petite fille qui se fait kidnapper par un Père Noël vraiment creepy. Ah. On peut pas faire plus creepy. Et en fait, cette petite fille a un ami imaginaire qui est une petite licorne qu'elle a sur l'épaule. Mm-hmm. Et alors que cette fille est enfermée dans une caisse par ce Père Noël, son ami imaginaire s'échappe pour aller chercher de l'aide. Oh. Et il va aller voir cet inspecteur et lui dire, voilà, je suis l'ami imaginaire. Donc lui, il pense qu'il hallucine au début. J'ai l'ami imaginaire, cette petite fille, il faut que tu ailles l'aider, il faut que tu ailles la sauver. Okay. Et donc c'est complètement barré au début, mais c'est très drôle. Non, mais c'est en vrai, complètement délirant. Vraiment cool. L'histoire, elle est au début, on se dit, oulala, ça peut être casse-gueule. Mais c'est comique du coup ? Non, c'est tragicomique. D'accord. Si vous voulez, ça va être le genre de très gore, très violent, mais avec des morts rigolotes, toujours improbables, des façons de tuer tellement trash que ça en devient. Plutôt rigolo que choquant. Exubérant et abusé. Quand. Voilà, et les personnages sont vraiment, vraiment très bien décrits, très touchants, etc. Okay. Et c'est vraiment un bonheur cette série. Je sais pas si elle a fait parler d'elle, si elle a pas fait parler moi, d'elle, en tout cas, si j'en ai pas entendu parler. Si elle est appréciée, si elle est pas appréciée, j'en sais rien. J'ai juste vu et j'ai dévoré les séries. Et là, c'est gros. Mais en tout cas, je trouve que l'univers est. Et c'est un peu dans l'univers des Tuches 3 aussi. Ah oui, ok, d'accord. Ah, je vois le. Ouais, ouais, je vois l'affiliation, quoi. Non, mais clairement. Non, mais Happy, je conseille vraiment. Et Christopher Meloni, pour le coup, est extraordinaire dans ce rôle-là. Alors, vous avez dit Netflix, combien de saisons? Une pour l'instant. Combien d'épisodes? 8, je crois. Ok, très bien. D'une durée de. C'est 40 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on est sur l'épisode un peu standard. Je vais vous dire, c'est ça, 8 épisodes de 42 minutes. Très bien, parfait. Et eh ben écoutez, ça a l'air bien. C'est très bien. J'irai voir ça. J'irai voir ça. J'ai beaucoup de choses à rattraper, mais du coup, j'ajoute ça à ma liste. Je me permets de placer une petite info. Vous parliez de super-héros et d'Avengers. Vous savez que je suis très fan du super-héros Spawn. Non, je savais pas, mais très bien. J'aime bien Spawn et il va y avoir un film. Du coup, Spawn, c'est une franchise Marvel ou DC? Non. L'art de répondre aux questions. C'est à côté. C'est encore c'est indépendant. Ah ouais? Ouais, ouais. Bon, putain, ça va se faire racheter, non? Non, ça dépend. Après, calmez-vous. Excusez-moi, je vois le mal partout. vous êtes comme ça, vous voyez le futur. Vous voyez sombre, etc. Et ce sera avec votre ami Jamie Foxx. Ah, qui va jouer Spawn? Oui. Il est Black Spawn à la base? Okay. D'ailleurs, on a toujours dit, j'y pense, Black Panther, quand c'est sorti, première héros noir, etc. Ah, oui, il oui. y a déjà eu plein de films avec des super-héros noirs. Mais, ouais, mais on n'a pas que dit ça sur Black Panther. On n'a pas dit que c'est un héros noir, nanana. On parlait aussi du fait d'une nouvelle représentation de l'Afrique, ultra moderne, ultra développée. Non, mais Jean-Bien, me faites pas passer pour ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'on avait que dit ça. J'ai dit qu'on a dit ça. On a dit que c'était le premier super-héros noir, etc. Ce qui est absolument faux, puisqu'il y a eu déjà un film Spawn en 97. Et il y a aussi le film avec Shaquille O'Neal, Style. Ok, et Space Jam. Space Jam, super-héros Roger Rabbit. Qui était Renoir Roger Rabbit. Donc voilà, c'était un peu mes petits coups de cœur. Très bien, trop. J'ai des coups de cœur lecture aussi, mais ça, on verra peut-être plus tard. Ah, c'est marrant, j'en avais un aussi. J'en avais un, coup de cœur lecture, et je dis c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on parle de livre, je crois, dans Fruit de la Station. Moi, c'est des BD, ces trucs avec les images, hein, quand même. Ah oui, d'accord, ok. Non, bon, on va passer à la chronique suivante, du coup. Ouais. Ouais, très bien. Petite pause. Petite pause. Allez. La bise. Très bien, bisous. Notre amour était un gâteau. Ce serait un flan au pruneau. Si notre vie était une pâtisserie, ce serait un clafoutis. Cerise, cerise, cerise, cerise, cerise, cerise, cerise, cerise. Et fruits de la station, épisode 15. Partie numéro 2, on va dire. Hein. Est-ce que vous avez plu cette petite musique, Jean-Bierre? Ouais, moi je l'ai trouvé vraiment cool. Bah, surtout les paroles. C'est vrai que les paroles étaient quand même. Pro-hitlérienne, mais qui était cool quand même. Oui, mais c'est en filigrane. Oui, c'est vrai. Ça, faut lire entre les lignes. Vous savez que j'ai. En parlant de ça, j'ai lu une étude. Ouais. Je sais plus exactement les tenants et les aboutissants. Mm-hmm. Mais selon laquelle, en fait, les goûts. Non, c'est pas les goûts. Les goûts musicaux, en fait, à cause des playlists, c'est vrai, automatique un petit peu, les choses qu'on nous suggère. Genre comme YouTube, l'algorithme de YouTube, ou Deezer, ou Spotify. Voilà, exactement. Ouais. Okay. En fait, nos goûts musicaux, il y a un phénomène qui s'appelle la paralysie musicale. Ouais. Et en fait, à partir de 27 ans, en France, et genre c'est 30 ans en Angleterre, des choses comme ça, en fait, les goûts musicaux n'évoluent plus trop. C'est-à-dire que, on va dire, de l'adolescence. À 27 ans, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais parce que oui, non, mais ça me parle, je crois que je suis en plein dedans. Moi. Voilà, oui, en fait, avant, on va découvrir plein de choses, on est dans plein de domaines, etc. Et en fait, à partir de 27 ans à peu près, on considère qu'on reste un petit peu dans ce qu'on aime, dans ce qu'on connaît, on reste un petit peu confort. Et ça a été analysé récemment dans une étude, ça s'appelle la paralysie musicale. C'est drôle. Ouais. C'est quoi, du coup, comment ils justifient ça? Est-ce qu'ils, du coup, ils ont constaté? Est-ce qu'ils l'expliquent aussi? Je pense que c'est lié à une perte un peu de curiosité qu'on a peut-être plus à l'adolescence. Et ils parlent aussi de l'industrie, de tout ce qui est algorithme, ce qu'on impose, etc. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir un coup de cœur tout d'un coup. Je prends un exemple au hasard pour Jane. C'est en fait un coup de cœur qui est quasiment imposé, entre guillemets, imposé par l'industrie, par la promotion, par la pub, etc. Le fait que la vidéo soit proposée parce que qu'elle soit en tendance, etc. Voilà. Et c'est assez, à la fois contradictoire et pas tant, parce qu'en effet, vous avez raison, c'était pas tant. Non, bah, je t'aimais bien les Patoum. C'est quoi les Patoum? Les Patoum, c'était pas tant. Les Patoum, c'était une vieille publicité pour un médicament. D'accord, contre l'hépatite? Contre les Patoum, les Patounes. Les Patoum. C'est quoi que... J'en cueille des Patounes à la place des mains. Blague pour les amateurs de Patounes. De Patounes, Patounes, Patounes. C'est pas tout. Ouh, c'est pas tout. Bonjour. Oh putain. C'est dommage, on était parti sur un truc un peu high level. Ça c'est cool. Non, ce que je voulais dire, c'était souligner un peu le paradoxe entre putain la vache, j'ai vraiment changé de tournant. Hein, on va dire Fruit de la Station saison 2 quoi. Ouais. Sponsorisé par Télérama. C'est, je voulais souligner le paradoxe entre le fait que en effet et Télérama sortir. Qui est, évidemment. Qui est et Télérama dimanche. Fourni avec. Ah non, Figaro dimanche. Pardon, non, autant pas pour Télérama moi. Rivarol, c'est ça. Rivarol dimanche. Rivarol. Rivarol. Rivarol dimanche. Bon nom de Médoc ça aussi. Ça veut dire pour les reflux gastro-œsophagiens. Ah oui, pour les brûlures d'estomac. Voilà. Ouais, ça, ça marche très bien pour ça. Oui, que en effet, on a des algorithmes qui nous imposent des choses. Rester là-dessus. Est-ce que tous les noms de journaux font nom de médicaments? Ah oui, par exemple. On peut tenter. Pour Figaro, je voulais bien quelque chose contre les problèmes de aux yeux. Figaro, Figaro 2000. Ouais. Par contre, ouais. Libération, je crois qu'on a compris. On est vraiment sur un laxatif. Libération, on est clairement sur un laxatif. Oui, ça c'est sûr. L'humanité, un peu plus tendue. Ouais. Un peu dans la même case que Télé 7 jours. Où là, on comprend quand même le principe. Oui. Non, oui. Mais après. La croix, par contre, c'est clairement pour une angine. Oui, bah c'est la croix, la pommade. La croix ou pommade. Les bonbons à sucer, ils font des dérivés aussi. La croix à sucer, ouais. La croix à sucer, ça leur fera plaisir. Ça leur fera plaisir. Ou l'humanité à sucer, mais il faut du temps. Très bien. Mais en tout cas, je pense que c'est une enquête à mener, une question à creuser. Sur la musique, les goûts musicaux. Non, pas du tout, musique. Sur les journaux et leur nom de médicaments. Très non, bien. Bref, et je vais quand même terminer ce que je veux dire, parce que finalement, je n'ai pas pu. C'est que c'est assez contradictoire, le fait que... Excusez-moi de vous interrompre, vous avez dit paradoxal tout à l'heure. Alors... Ah, bah je... Paradoxal et contradictoire, des mots qui peuvent avoir le même sens. Pas tout à fait. Une nuance, peut-être. Bah, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qui est contradictoire? Quelque chose qui est paradoxal. Être gros ou être maigre. Ouais. Qu'est-ce qui est paradoxal? Un gros maigre. Ne rien manger et être gros quand même. Pas tout à fait pareil. Oh là ouais. Là. Ce que je voulais dire, je peux juste finir comme ça. Mais on oui, passe bien sûr, à autre chose. Mais juste soyez clair dans les mots. Ouais, ouais bah je choisis. Donc ce qui est paradoxal, c'est que à la fois on nous impose des trucs sur Internet via les algorithmes de Deezer, de Spotify, de YouTube. Pourtant, on est dans une période qui a peut-être jamais autant donné libre accès à la musique, la culture en général, via notamment Internet et toutes les plateformes libres, comme SoundCloud, comme YouTube aussi d'ailleurs. Juste, faut faire un effort, mais comme quand on regarde la télé, je pense. Oui. Faut faire un effort d'aller un peu creuser après et moi, diguer. J'ai perdu comme ma Disney. Télécommande aussi. Donc. Ah oui, vous êtes bloqué sur... TF1. Ok, bon, écoutez, chaîne de qualité maintenant. Bon, ça va, c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'on peut dire chaîne de qualité. Il y a le maillon faible. Qui a repris ? Je pense que ça n'existe plus. Ah, aussi, avec Jean-Pierre Foucault. Ils ont changé, je crois. Ah, ouais. Ouais. Il s'éteint en blond. Il est beau. Il a des lunettes carrées. Il est magnifique, Jean-Pierre Foucault. Oui. Eh, est-ce qu'on n'aurait pas un Maxi Pitch ? Allez ! Je sais que ça a été réclamé, on me l'a dit. Je l'attends via depuis les réseaux, des mois. Via la Twittosphère. Des mois et des mois. Oui, hip-hop, dédicace. Hip-hop qui d'ailleurs devait qui devait nous envoyer un petit texte. Voilà, vous êtes ivre et que vous parlez tout seul. Oui, non. Ah, mais voilà. Parce que je pense que ça va lui faire plaisir qu'on lui fasse une petite case dédiée, mais qui devait nous envoyer un petit enregistrement audio comme on avait l'habitude de le faire et qui nous l'a toujours pas fait. Donc c'est un petit peu regrettable. Donc on va dire partager entre. On va dire un 12. Ouais, partager entre la déception et la haine profonde. Exactement. Pour ce Maxi Pitch, mon cher Jean-Bierre. C'est parti, ça commence. Allez-y. Ce film s'appelle... Alors, attendez, Jean-Pierre, est-ce que vous rappelez le principe du Maxi-Pitch ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Maxi-Pitch. Le Maxi-Pitch, c'est très simple. Le jingle, déjà. On commence par le jingle de le Maxi-Pitch. Maxi-Pitch. Maxi-Pitch. Très bien. Le Maxi-Pitch, les règles sont très simples. Richie Booz va me commenter un film, le présenter, l'année de sortie, le réal, les acteurs, l'histoire, le synopsis, etc. Il fait à sa guise. Il va me dérouler un petit peu tout ce qui se passe dans les premières minutes du film ou même jusqu'au bout, ça dépend. Des fois jusqu'à pas d'heure. C'est à sa guise. Et à la fin, quand Richie a terminé sa chronique, moi, Jean-Bierre Bernaud, je dois deviner si c'est un vrai film ou un faux film complètement sorti de l'imagination tordue, perverse et un petit peu nécrophile de Richie Booz. Tout à fait. Sachant qu'au cours de ce long pitch, vous pouvez évidemment m'interrompre pour poser des questions là où vous sentez un petit doute, un petit truc à creuser, un petit filon de faiblesse. François Fillon, exactement. Alors ce film, mon cher Jean-Bierre, s'appelle « Le pacte de sang ». Ok. Vous comprendrez bien que c'est son titre français. Très bien. Une traduction, c'est un film... Ça pourrait être belge aussi. Oui, ça pourrait être belge ou suisse. Ou luxembourg, enfin Benelux, quoi. Fois. Oui, oui. Le pacte de sang. Putain, j'étais tellement content que vous le fassiez après moi pour rattraper ce mauvais accent belge. Donc c'est un film fantastique d'horreur. Ok. Qui a été réalisé par David De Coteau. De Coteau ? Ouais. Alors est-ce que c'est De Coteau en un nom ? Non, on a un mot. Deux, plus loin, Koto. Koto, très bien. C-O-T-E-A-U. C-O-T-E-A-U, très bien. Sorti en 2004. Récent, plutôt récent. Oui, récent, 14 ans. Oui, récent. L'âge de votre copine. Exactement. Enfin, dans deux ans. Dans deux ans, oui. Là, oui, dans deux ans. Et donc, je fais des jeux bizarres avec sa corde à sauter. Petite corde référence. Corde à sauter. Les pieds dans l'eau. Oh. Et qui dure 1h21. Je sais que vous êtes très à cheval sur le temps des films. Et que c'est souvent... Pas que. C'est souvent là que mettez-moi ça. Un policier tout seul dans une voiture et je peux vous assurer que je vais griller la supercherie. Et on va commencer à vous raconter l'histoire. Le film débute. Très joli plan sur une villa. Très bien. Située où villa... Du coup, oui, première question. Le film se passe en France, du coup? Non, le film se passe aux États-Unis. Film français qui se passe aux États-Unis. Mais j'ai dit que c'était pas un film français, justement. Ah bon? Non, ah, j'ai dit que c'était son titre français et que c'était un film traduit. C'était un film américain. Et du coup, le titre original? Alors, je vous le retrouve tout de suite. Oh, la première faille! C'est... The Pact of the Blood! Non, c'est. Non, non, the non, Blood's c'est, Pact! Circle of Darkness, je crois. Non, c'est Circle of... Non, attendez. Perdu d'avance. Non, Circle of Darkness, je crois. Ok, très mais, bien. Mais en effet, je ne l'ai pas noté, mais je. Ouais, ouais. Je crois que c'est Circle of Darkness. Qui est sorti en Espagne également. Quel est son titre déjà? Est-ce qu'on reprend le pitch? Est-ce que vous me laissez le défis du doute? Autant pour moi. Ah, l'erreur de débutant. Donc le film débute dans une villa. D'accord. Donc c'est une villa qui est premier plan filmée de l'extérieur. C'est une jolie villa, il y a une piscine devant. D'accord. Et vous voyez, c'est la nuit, la piscine est allumée, on a une petite fumée, une petite vapeur qui sort de la piscine. Genre, il y a des néons à l'intérieur de la piscine, ambiance un peu bleutée. Elle est éclairée, voilà. Et très on bien. Se retrouve à l'intérieur de la maison, et dans une chambre, on a un jeune homme, casquette à l'envers, de joli petit blondinet, okay. Mais qui a l'air très paniqué. Il est en train okay. de remplir un sac de sport de vêtements, sans qu'il a envie de fuir la villa. Il a envie de s'enfuir. D'accord. Il arrive à sortir de la maison, il a l'air très stressé, on sent qu'il se sent traqué. Il regarde derrière lui, il court un peu. Vraiment un mouvement de panique. Il y a une musique qui s'accompagne peut-être un peu de ça. De mémoire, il y a une petite musique un peu techno. Très bien. Un peu techno. Okay. On est en 2004. Oui. Tectonique. C'est pas vraiment l'âge d'or de la techno, mais bon. De voilà. Musique tectonique. Voilà, c'est la tectonique. D'ailleurs, il remplit ses affaires en faisant des mouvements de tectonique. Il ramène ses slips comme ça. Et je plie mon slip. En faisant des mouvements. Et voilà, très bien. Classique. Et donc, il s'éloigne de la maison, c'est la nuit. Hein. Okay. Il va sur un petit chemin, etc. Très bien. C'est une scène assez longue. Okay. Il va de buisson en buisson et il se retrouve en bord de mer. D'accord. Il longe la plage. Longue, genre 1 minute 20 ou... La scène, une bonne minute. Une bonne minute. Ah, ok, oui. Ça... C'est assez long. Ça reste correct. Film. Et là, il est rattrapé par 4 jolis jeunes hommes qui viennent un peu face à lui sur la plage. Vous voyez, c'est plage bord de falaise. Donc, il est un peu il bloqué. Est voilà. Il y a l'eau d'un côté, juste la falaise de l'autre. Juste avant de se l'autre. Faire... Enfin, voilà. Et là, ces quatre jeunes hommes qui viennent de le bloquer l'entourent et lui disent « Alors, comme ça, tu comptes quitter le groupe ?» C'est ça ? Tu veux faire carrière solo, c'est vrai ? Alors, excusez-moi, juste... Oui. C'est des dialogues genre que vous avez réécrits mot pour mot ou vous non, les avez... Mais non, mais je les regarde en VF. D'accord. Comme tout bon nanar, je regarde toujours en VF. Ah oui, donc c'est-à-dire que ce que vous venez de nous citer là, c'est des mots... Les dialogues exacts. Oui, là, c'est entre guillemets. D'accord, entre guillemets. Voilà, c'est vraiment... alors, tu comptes quitter le groupe, c'est ça ? Tu veux faire carrière solo, etc. Très bien. Alors lui, il dit non, mais c'est horrible, je vais tout raconter à la presse people. Et là, il lui saute dessus et il le dévore. Il le mange. Et bah, on voit, il lui saute dessus, on entend... Puis voilà, fin de scène. Ok, d'accord. Et là, déjà, je vous sens un petit peu en angoisse. Ok. Bah, et oui. Là, c'est la scène se coupe et là, ça enchaîne. C'est là que c'est étrange par une scène de clip de boys band. Donc, on a une musique vraiment boys band. Ah, okay. On a toutes les personnes qui sont en train de danser. Et les membres du groupe, c'est les mêmes que les gens qui ont dévoré le jeune homme. Exactement. Oh la vache. Ainsi que le jeune homme dévoré. Du coup, il y avait les 4 et le 5e. Et là, ils sont 5 sur la vidéo. Ils sont en train de danser avec vraiment une musique très boys band. Est-ce que c'est genre une fanfiction des To Be Sweet? Non, parce qu'ils sont 5. Ah oui, pardon, tant pour moi. Ouais, donc ça peut être les alliages. Non, ils étaient 4. Je ne sais plus. Ouais. Ouais, non, je sais plus. Mais donc il y a la Corée, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une journaliste qui annonce en plan parallèle, coupé, qu'un des membres du groupe a été tué. Oh. Et enfin, pas qu'il a été assassiné. Tué, mais un des membres du groupe, celui qui a été tué, est en cure de désintox, que le groupe va faire une pause, etc. Qu'il n'est pas présent, quoi. En gros, elle ment. On sent qu'elle ment. En tout cas, elle n'a pas les infos. Et elle puis vous êtes gouré surtout en disant qu'il avait été tué, parce que du coup, ça aurait pas été cohérent dans l'histoire. Donc, c'est dommage. Elle interview à ce moment-là un des membres du groupe qui a l'air d'être le leader et lui dit oui, il est en cure, on l'aime beaucoup, il faut qu'il se repose, c'est un bon gars, etc. Mais puisqu'ils n'ont ça plus. Ça aussi, c'est entre guillemets. C'est un bon gars. Puisqu'ils n'ont plus de chanteur. Ils vont organiser une audition nationale. Oh putain. C'est bien national, hein, c'est, donc, ça va aller dans tous les États. Sur l'ensemble des États-Unis. Sur l'ensemble des États des États-Unis. Très bien. Pour trouver le nouveau talent, le okay. nouveau petit génie de la chanson et de la danse qui va faire ça. Donc là, on se retrouve sur le parking d'un centre commercial, d'un mall, où il y a à peu près 200 jolis hommes bodybuildés, casquettes à l'envers, petit Marcel, baggy troué, ceinture à diamants et compagnie, qui sont prêts pour le casting. Ouais. Le groupe arrive, se place, ils se placent en tant que jury. Les quatre qui restent sont sur une petite table genre à côté. Genre vraiment, on est en mode la nouvelle star. Quoi. La nouvelle star, mais c'est en extérieur sur un parking. Là où c'est un petit peu. Voilà, mais différent. Ça aussi, d'ailleurs, pourquoi. C'est... Ouais, il y a des fois, on n'a pas d'explication. Moi, j'imagine qu'il y avait tellement de gens qui voulaient passer ce casting de ouf, vous y auriez été, vous. Ah bah moi, je suis prêt, là, je veux dire, si un jour le mec part en cure, je suis tellement de gens qu'ils ont dû le faire en extérieur, parce que la seule Saphir était voilà, trop petite à cause du loto, le plus gros loto de France qui était organisé. À cause des Kipondi. Donc le groupe arrive et se place en tant que jury. Il y a plein de jeunes groupies complètement surexcités qui crient « Ouais, dès que le groupe arrive, etc. » C'était une audition non mixte. Ah bah oui, ils cherchent un chanteur. Les femmes étaient recales direct. Non, elles passaient pas le casting. Ils cherchaient un nouveau chanteur. Il y a des garçons dans le groupe. Il y avait pas le droit de se présenter si on était une femme. Bah, j'imagine que non. En tout cas, il y a que des garçons qui passent le casting. Ok, d'accord. Donc c'est plus ou moins catastrophique. On voit quelques personnes qui passent, en particulier un jeune homme qui chante et danse très mal, qui se ridiculise un petit peu et qui est un peu vexé. D'accord. Et là, on suit la personne qui va être notre héros, qui est dans le public, qui s'appelle Sean. Sean. Qui est joué par Stéphane Marines. Très bien. Stéphane Marines, qui a fait quoi d'autre comme film avant ? Stéphane Marines, de mémoire, je crois pas qu'il ait fait grand-chose de très fameux. La vérité, si je vois, il fait pas une apparition. Il a joué dans quelques épisodes d'une série, NCIS, je crois, de mémoire, qui a joué dans un ou deux épisodes d'NCIS, puis d'autres téléfilms. D'accord. Mais c'est pas un grand acteur. Il y a beaucoup de gens de NCIS ou truc unité spéciale. Et ou... ça, c'était Christopher Meloni dans Happy. Excuse-moi. Okay. J'ai cru que c'était votre nouvelle point de chute quand j'étais perdu. Oh, ça doit être c'est NCIS. Dans les experts. Voilà, allez. Et donc, lui, on sent qu'il n'est pas comme tous ces autres zozos. Lui, il est aussi bodybuildé, mais c'est un peu un artiste. Il a une guitare dans le dos. Ah ouais, d'accord. Il a des pics et il est avec sa copine qui l'encourage un peu. Elle lui dit allez, vas-y. Lui, il dit mais non, mais c'est de la musique de merde. Là-dessus, on le rejoint un peu. C'est là on se prend de sympathie pour le personnage. Oui, direct. Parce qu'il est lucide. Il est quand même un peu clairvoyant, mais sa meuf insiste vraiment. Il dit mais c'est une chance unique, tu te rends pas compte, faut vraiment que tu y ailles et tout. Puis bon, je veux dire, du coup, là, à ce moment-là, il est déjà sur le parking avec la casquette à l'envers et le Marcel. Donc il y a un moment. Il est déjà chaud. Bon, voilà, faut y aller. Donc il y a toujours le tocard pendant ce temps-là qui passe le casting. Bon, il se fait recaler, là, on l'a vu. Mm-hmm. Et là, il y a un autre jeune talentueux qui s'appelle Max. Le rival. Voilà, le rival de Sean. Qui est un afro-américain. Oh. Ça aura son importance plus tard, c'est pour ça que je précise pour l'instant. Et lui, on nous apprend. Il va se faire tuer par un flic. Pendant ce temps-là, il y a aussi la manageuse du groupe qui regarde un peu les castings et qui est là un peu en train de se caresser le menton. Ah ouais, celui-là, il est pas mal, il serait pas genre mal. La Catherine Barma de. Exactement. Et elle nous dit, lui, ce Max, donc l'afro-américain qui est en train de passer pendant que Sean regarde et argumente avec sa meuf, qui dit ah oui, lui, il est astrophysicien. Il a été accepté à Yale. Ah bah oui. Mais juste avant l'entrée à Yale, petite audition sur un parking, quoi. Exactement. Et la directrice de casting, vraiment, elle dit oui, mais bon, Yale, on s'en fout, à son premier million, hein, il acceptera. Je suis maléfique. C'est un petit peu la culture contre la culture de masse, un peu la culture populaire contre grande culture. Ah, c'est un film qui dénonce un peu. Voilà. Okay. De son côté, Sean toujours continue à négocier avec sa copine qui lui dit mais qu'est-ce que tu peux perdre après tout en passant cette audition ? Ça ne coûte rien, le fameux ça ne coûte rien. Et là, on était déjà un petit peu Team Sean après qu'il dit que c'était la musique de merde. Et là, on vient définitivement Team Sean lorsqu'il dit qu'est-ce que je pourrais perdre ? Ma dignité et le respect de moi-même, déjà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pour le coup, c'est clair. Un personnage lucide et clairvoyant. Mais bon, là, malheureusement, il nous déçoit un petit peu parce qu'il finit par y aller. D'accord. Ah oui, bah. Et il s'embrouille vite fait avec les membres du groupe. Il leur met un petit coup de pression. Il s'énerve un peu. Il leur dit. Ouais, les gars, alors c'est toi, machin, ton entre, groupe, entre guillemets. Entre grosses guillemets, et lui dit, vas-y, je crois que c'était toi le gentil du groupe, t'es pas sympa, machin, et voilà, il en a rien à foutre. Quand il avait, il y va détente, il y va un peu, voilà. Et là, contre toute attente, lorsqu'il se met à danser et chanter, c'est brillant, c'est un carton. Et ils le prennent. Déjà, il connaît la chanson du groupe par cœur, pour quelqu'un qui n'aimait pas trop le groupe et qui pensait que c'était la louche. Chanson. Louche. Mais il connaît la musique par terre et c'est un succès fou. Et la directrice de casting, clairement, Catherine Barama, elle lui dit je le veux, ça sera le troisième. Et donc, mystère. Ils sont présélectionnés. Mystère, ils sont présélectionnés. Pourquoi le troisième ? Vous allez voir plus tard. C'est tout simplement très explicable. Le casting finit. Okay, c'est la nuit et le mec est le premier qui a complètement foiré le casting et est resté sur place et il est en train de pisser sur l'estrade en mode vas-y c'est de la merde. Ah, il est bourré, il s'est pris une cuitasse au PMU du coin. Ouais, c'est de la merde votre groupe. Et là on voit un des jeunes hommes du groupe qui sort de derrière une voiture d'un coup en mode suricate. Et après, ils viennent tous, ils sortent et ils le dévorent également. Ah oui, donc ouais, mais voilà. C'est une passion un peu. Voilà, le alors gendarme. Là, on découvre que la première scène sur la villa où il y avait la plage, en fait, c'était une île. Ok. Ça n'était pas expliqué, mais là, on le découvre parce que le groupe et les trois sélectionnés vont sur l'île pour suivre la formation. À ce moment-là, on a à nouveau un interlude clip avec la danse. C'est marrant de ne pas l'expliquer tout de suite, parce que du coup, la seconde fois où ils vont sur l'île, ça aurait permis de bien resituer l'endroit du début. Quoi. Bah, on le comprend parce qu'on voit la plage, mais puis ils viennent en avion. En fait, c'est le fait qu'ils viennent en avion. On se dit, bon, bah voilà, ça devait être. Et je crois qu'il y a une petite écriture en bas de l'écran qui fait île du début. Île du début. Oui, avec un mode machine à écrire. Oui, voilà, ouais, c'est ça. 16h37, île du début. Et là, Sean a réussi à négocier parce qu'il est toujours accompagné par sa copine. Mmh. Il a réussi à l'emmener avec lui. Ça me vient aussi. Les autres membres du groupe étaient d'accord. Apparemment. Okay. Donc, on retrouve la directrice de casting qui est donc leur manager qui leur souhaite la bienvenue. Mm-hmm. Et en fait, il y a trois sélectionnés tout simplement, donc Sean, Max, l'astrophysicien, ouais. Et en fait un autre gars qui a été sélectionné mais dans un autre état puisque c'était un casting national. D'accord. On le rappelle, alors, de mémoire, c'était dans l'Oregon. Mais du coup ce qui est très bon sur les pizzas. Oui, oui. Voilà, merci. Et là Max il arrive, il dit ouais, Matt Le King, je suis le meilleur. Oh. Matt Le King. Putain, mais j'espère, enfin, j'espère que c'est pas vous qui avez inventé ces dialogues, mais bon, après ça, si. on verra là, par la suite. Là, on a un petit discours du chef de groupe qui va un peu leur expliquer comment ça va se passer, qu'on n'est pas là pour rigoler, c'est ça sérieux. Va être dur et qu'il faut tout donner. Mm-hmm. Donc c'est l'occasion d'un, pour le coup, là c'est mentionné, c'est d'un très beau faux raccord. D'accord. Pour ceux qui auront la chance de voir le film, un faux raccord bonnet de Sean. C'est-à-dire qu'à chaque fois, donc c'est champ contre champ, chaque fois que le plan est sur Sean, un coup il a le bonnet, un coup il a pas son bonnet. Ah, très bien ça, voilà, de qualité. Un faux raccord. Comme même quelqu'un qui n'a jamais vu un film, ni jamais tenu une caméra de sa vie, le voit à 100 km. Quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est un faux raccord, se rend compte qu'il y a un souci. Voilà, donc c'est un peu la catastrophe. Donc okay. Ils se mettent à danser dans le jardin. Et ils répètent que dans le jardin aussi, c'est la particularité. Ils n'ont pas de salle de soirée, ils sont dans une énorme villa, mais ils répètent toujours en extérieur. Mais après, pourquoi pas, c'est sympa aussi d'être dehors. Vous-même, vous aimez vous faire bronzer, vous aimez le naturisme, je le sais. Me dorer la pilule. Vous aimez la randonnée. Ah oh, oui, la randonnée, j'en ai, oui, exactement. Donc, bon, donc est-ce qu'on peut déjà soupçonner le fait qu'il y a un problème avec le fait d'être à l'intérieur? Parce que de faire une audition sur un parking, on pourrait le soupçonner. Ouais. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Ça n'a aucun impact dans l'histoire à suivre. Parce que vous l'avez mentionné quand même plusieurs reprises, le fait oui, qu'ils étaient souvent à l'extérieur. C'est juste parce que c'est factuel. C'est d'accord, trucs qui sont truc souvent dehors. Alors peut-être qu'ils avaient un problème avec les caméras. Non, mais peut-être qu'il y a un élément où on va se dire ah, c'est pour ça. Non, il n'y aura pas de révélation. Très bien. Ce n'est pas Magnet Shyamalan, fromage. qui a fait le film. Ouais. Donc okay. Bon, c'est pas très intéressant leur répétition, avec c'est un peu ils dansent, etc. Ouais. Et la manageuse pendant ce temps-là discute. Je sais pas si on dit la manageuse. Moi, je suis assez pour qu'on féminise en général, comme même si je trouve que le terme autrice est très très laid. Autiste. Autrice. Ah, autrice. Auteur, autrice. Je suis quand même assez pour que voilà, on féminise un petit peu plus. Donc la manageuse pour moi, ça marche très bien. Mais c'est pas le jeu vidéo russe là ? Si, avec la petite musique là. Ouais. Et donc le leader du groupe. Et la manageuse donc discute et le leader du groupe il dit on va choisir celui qui posera le moins de problèmes. Mystère. Et donc le troisième sélectionné, celui dont on n'a pas trop parlé parce qu'il a été choisi dans un autre état, s'appelle Jonah. Jonah, Max et Sean. Pardon quoi? Jonah, Max et Sean. C'est mon accent qui vous déplaît. Donc là ils sont dans leur chambre, ils sympathisent un petit peu parce qu'ils ont une chambre commune avec Jonah, Sean et Jonah. C'est sympa. Et donc le tel de Jonah sonne et il dit à Sean ouais attends désolé c'est ma petite amie. Et là on découvre que Jonah il joue double jeu. Jonah il est au téléphone non pas avec sa petite amie mais avec une directrice de rédaction d'un journal et on comprend que Jonah est journaliste et qu'il enquête. Oh putain. Incognito sous couverture sur le groupe. Sur le groupe, c'est-à-dire soupçon qui pèse sur le groupe. Il y a un truc qui se trame. Il y a un loup. Donc notre journaliste en herbe ensuite espionne les membres du groupe qui d'accord. parlent de Max, l'afro-américain. D'accord. Et ils disent ouais, un noir, on n'a jamais vu ça pour un leader, pour un. On n'a jamais vu ça pour un film, leader. Film, qu'on se rappelle, sorti en 2004. 2004, oui. Ouais, un noir, on n'a jamais vu ça pour un leader d'un boys band. Ouais, puis l'autre, il fait, mais arrête, les mentalités ont évolué, mec, arrête et tout. Et puis surtout, on l'a quand même vu à plusieurs reprises, en vrai. Puis font, ouais, on a déjà un jaune, ça va aller, puisqu'il y a un asiatique dans le groupe de base. Et encore une fois, je me base sur la VF hein, pour dire jaune, etc. C'est en français dans le texte. Ta merde, ça devient tellement horrible que. Donc Jonah suit le groupe dans la nuit. Ouais. Parce qu'il parlait encore en extérieur, c'était dans le petit parc. Toujours en extérieur. C'est important l'extérieur, vraiment. Hein. Ça fait une extérieur. Et on voit le groupe qui marche dans le jardin. Ouais. Et là, j'ai chronométré la scène parce que c'est très long. Le groupe sont à la queue leu-leu. Ouais. Ils marchent dans le jardin comme ça. Tel les Beatles droit, sur un avec passage piéton. Toute musique électronique, voilà. Tel les Beatles, exactement. D'accord. Et derrière, Jonah qui se cache sur les buissons et qui les suit. Et la mais scène... attends, question. Oui. Attendez, question. Comment ça se fait que tous les membres du groupe sont en train de discuter ensemble et qu'ils trouvent pas ça bizarre que le cinquième membre du coup soit pas là. Mais quel cinquième membre? Bah Jonah. Non, Jonah c'est un des trois qui est présélectionné pour rejoindre. Oui, mais ça veut dire que tous les autres ils sont ensemble. Les présélectionnés, les membres du boys band. Ah non, il suit que les membres du groupe. Oui, il y a les quatre membres du boys band. Ah, je crois qu'il y avait aussi les présélectionnés. Non, non, c'est les quatre membres de base. Qui marchent à la queue leu-leu. Ouais. D'accord, ok, autant pour moi. Donc, Sean et Jonah. Non, ouais. Pas Sean et Jonah du tout. Du coup, juste Jonah les suit tranquillement dans le jardin. Ça devient compliqué. Hein. Dans le jardin, il les suit. Et donc, là, juste, je vous dis... petite note pour les auditeurs. Vous pouvez couper et revenir dans 10 minutes. Normalement, ça sera terminé. Et là, mais, oui, mais c'est, le film est très long. La scène, d'ailleurs, j'ai chronométré. Il les suit donc sur fond de musique techno. Ah, ça dure 2 minutes 30. Dans le jardin. Pour un film qui dure 1h20, t'es une. 2 minutes 30 vraiment beaucoup. De musique techno, il les suit. Ok. Et donc, Jonah continue à les suivre, il se retrouve sur la plage du début. Mm-hmm. Et il va un peu plus loin parce qu'il continue à avancer sur la plage et là, il entre dans une grotte. Ok. Dans une falaise. Mystérieux. Il trouve des grimoires, des tables étranges, des traces louches. Un peu comme Fond de votre slip. Oui. Et il essaye de joindre Sean, son copain. D'accord. Pour le prévenir de la tournure chelou que prennent les événements, mais Sean il s'en fout. Il répond pas à son téléphone, il est avec sa meuf tranquille. Et donc pendant ce temps-là, le pauvre Jonah, il est poursuivi par quelqu'un qui l'appelle. On entend Jonah. Oh là là, mais. Jonah. Il essaye de prévenir la directrice du journal là, pour laquelle il travaille en couverture. Ça donne ni queue ni tête. Mais c'est trop tard car le groupe le poursuit. Ah, juste question. Oui. J'ai le droit de vous interrompre à chaque moment pour vous poser une question. Bien sûr. On n'a pas cité les noms des membres du groupe de base. Alors, ils sont très peu cités, mais je peux vous les retrouver puisque j'ai noté les acteurs. Très bien, ça vous laisse ça un petit peu de temps pour les inventer, n'hésitez pas. Jake, Alex, Gordo. Et Gordo non, ouais, Gordo. Pas mal. Non, non, c'est original, voilà. C'est bien, vous avez géré. Il y en a un quatrième, mais je ne l'ai pas, puisque après c'est Max, mais donc du coup c'est Max. Ouais. Et puis l'assistante, c'est Justine Guitérez qui joue, mais voilà, il manque un. Ah non, il est au-dessus. Attendez, voilà, non, c'est BJ. BJ. Ouais. Ok, voilà. Comme DJ mais avec un B. Exactement. BJ, très bien. Donc là, attendez, parce qu'on a quand même laissé notre cher ami complètement poursuivi. Ouais, ouais. C'est un peu l'angoisse. Uh-huh. Donc il essaie de prévenir, je vous disais, la directrice du journal pour laquelle il travaille, mais elle ne répond pas et c'est trop tard car le groupe le poursuit jusqu'au jardin, le bloque près de la piscine, pour le, selon vous, pour lui faire quoi? Oh, bah pour le... un petit coup de CP un peu. Pour le dévorer. Ah oui, encore, oui, bah oui, je suis bête. C'est le troisième du coup là. Devant les yeux de la manageuse amusée. Donc il nous reste plus comme prétendant que Max et Sean. Max, l'astrophysicien. D'accord. Afro-américain et Sean, notre héros. À partir de quel moment ça... Ah oui, si, ça a déjà eu un impact le fait qu'ils soient afro-américains. Bah, c'était parce qu'ils étaient racistes et qu'ils disaient ouais, un noir, on veut pas, voilà, c'était pour ça que... Même s'ils avaient déjà un asiatique avec eux. Oui, mais évidemment ça posait moins de problèmes. Oui, parce que... Ah, ils posent moins de problèmes en général. En général, ils posent moins de problèmes. Alors là... cette partie sera bipée. Là, c'est chaud parce que donc la nuit venue, le groupe kidnappe Max. Ok. Donc cette fois, l'astrophysicien, il l'attache sur un. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, mais c'est juste beaucoup de personnages. On s'y perd un petit peu, mais vous racontez bien, donc ça va. Attendez, non, mais je comprends. C'est peut-être parce que j'ai vous pas avez été... chaud, non ? J'ai très très chaud. Il fait extrêmement chaud. On est en plein été. Oui, c'est vrai. Quelle est votre saison préférée ? Ah, non, non, c'est vrai. Ah, c'est déjà fait. Non, non. Mais alors, donc là, on va reprendre. Ouais. Donc Jonah, donc, il s'est fait tuer, c'est le soir, le lendemain ouais, matin. Ouais. Sean et Max se parlent, et évidemment, ils se demandent où est Jonah. Oui, parce qu'il a disparu, il est parti en cure, bien sûr. Mais les membres du groupe lui disent ouais, il a bu, il s'est pas réveillé, du coup, on l'a viré, c'est pas sérieux. Quand on a un groupe comme ça, il faut être au taquet, on veut pas d'alcoolique, machin. Ouais. Sean, il trouve un peu sa louche. Mm. Et pour montrer que c'est un rebelle, on voit que Sean porte un t-shirt métallique. Donc c'est la répète, toujours dans le jardin, on est lendemain matin, le matin c'est répète, Corée, ça se travaille après tout, hop, oui. Et Sean s'embrouille, il leur dit que le groupe c'est de la merde, et il quitte la répète, il s'en va, là il en a ras la casquette. Ah ouais, au bout de deux jours le et mec... Alors, puisque c'est un peu un écorché vif, vous avez connu ça vous au lycée, hein, ah, il va jouer un peu de guitare sur 16, la plage. Hein. Ah bah je n'ai con. Enfin, il met sa guitare devant lui, sans qu'il a sa guitare dans le dos depuis le début du film, mais qu'il n'a jamais joué de la guitare okay. encore. Donc il n'en joue jamais. Non. Voilà. Je faisais ça aussi au lycée. Hein. Il marche le long de la plage, et là il surprend au loin sa copine. En train de discuter avec qui ? Avec la manageuse. Catherine Barma ? Ouais, avec Catherine Barma. Putain. Et donc, c'est là où j'avais un peu sauté. Donc là, la nuit, il se retrouve. Et là, il kidnappe Max, l'astrophysicien. Il l'attache sur la table satanique. Vous savez qu'il était dans la grotte, n'est-ce pas ? Là où non, il y a les non, torches. Non, on en a peu parlé de la table satanique. Si, si. Là, quand Jonah a été explorer la plage, il est rentré dans la grotte où il y avait les grimoires, etc. Ouais, les grimoires, bizarres. Mais je... Oui, bon, bah, il y a une table en plus satanique. Oui, bah, m'engueulez pas, parce qu'on a pas si vous oubliez d'inventer des trucs comme ça. Il y a des torches aussi, je l'ai pas dit. Bah, non, mais là, il y a la du table... sable à l'entrée aussi. Bon, il y a une table satanique, il l'attache. La grotte, dessus. C'est quoi comme pierre ? C'est du granit, schiste. Du schiste, ok. Schiste. Du schiste. Une grosse. Ça fait très mal. Et donc, il y a des. Il y a aussi 4 poupées bizarres ouais. qui sont dans un coin de la pièce. Ça aura également son importance. Elle serait pas aux effigies de certains membres. Ça aura son importance. Et donc tous les membres du groupe sont en caleçon et chaussettes. D'accord. Ils sont tout aussi bodybuildés, tout aussi beaux, la tout base. Aussi excitants. Et là on découvre en fait que la manageuse, pendant que notre pauvre Max est accroché sur la table, lui aussi torse nu, la manageuse est en fait la grande prêtresse de cette messe noire. Ok, ils sont sapés un peu, genre en mode capuche, bougie chelou. Elle a une capuche, mais eux ils sont en caleçon chaussettes, comme je oui, oui. Ah oui, pardon, excuse-moi. Caleçon, oui, autant pour moi. Caleçon chaussettes, c'est-à-dire un peu comme le chaussette claquette. Bah, sauf qu'il n'y a pas de claquette, quoi. D'accord. Mais du coup, oui, c'est pas le caleçon qui leur sert de chaussette. Non, absolument pas. Très bien. Et là, ils commencent à écorcher un petit peu le torse de ce pauvre Max et ils commencent à boire son sang. Un classique. Et ils disent, oui, c'est l'élu. Un peu le néo du pacte de sang. The Circle of Blood. Et donc le lendemain, on retrouve Sean sur la plage qui, alléluia, joue enfin un peu de guitare. D'accord. Alors, juste, je me permets encore une fois de vous interrompre. Je suis désolé, c'est vraiment par souci de détail. Vous avez raison. Les jours un par un, ça dure combien de temps Une petite semaine, on a l'impression. D'accord. On est au troisième jour, grosso modo. Voilà. D'accord, très bien. Et là, il retrouve Max. On comprend que Max n'est pas mort, malgré qu'il soit passé sur la table. Ah mais ouais. Max dit ouais, j'ai fait un cauchemar et tout, c'était vraiment bizarre et tout. Bref, Sean ça l'intéresse pas, il se casse, il veut retrouver sa meuf, il lui dit écoute, je me casse. Le Teddy dit mais non, c'est important pour ta carrière, elle commence clairement à être vraiment pénible. Mm-hmm. Ça part au clash. Il lui dit attends, je t'ai vu avec la manageuse sur la plage, ouais, y a c'est bisbis, bon là. Comme disent les jeunes, il y a ouais. Il y a embrouille, vraiment il y a embrouille, il veut partir. D'accord. Là, pendant ce temps-là, il y a le petit Max, un petit astrophysicien qu'on aime tant, qui commence à se brancher avec une petite groupie que le groupe a ramenée en avion. Il y a deux petites groupies qui sont là. Mais il y a d'autres gens sur l'île ? Bah là, ils ont ramené d'autres groupies, deux groupies du groupe. Qui arrivent comme ça par chronopost, quoi. Et là, en fait, le groupe, il fait écoute, tu veux te la taper ? Donc il dit ouais, grave et tout. Mais sauf que les autres, ils font bah écoute, on va le faire tous ensemble, un groupe, c'est ça. Oh, mais. Toi-même, tu sais, quoi. TMTC. Et lui dit ah non j'ai pas envie et tout, ça se fait pas. Et bref, la groupie elle est un peu chaude. Elle commence puis on est peu. Quand même sur un mec fermé d'esprit un peu. Oui, clairement, bah, astrophysicien, vous savez. Ouais, les sciences dures. Exactement. Comme et là, une dure, il ne l'est pas trop. Parce qu'à ce moment, la groupie qui voulait un peu faire une griffe coquine sur les membres de deux. Pas sur les membres. C'est clair. Pas sur les membres de deux visages du groupe, mais sur le visage de deux membres du groupe. Et là, en fait. On se rend compte que leur joue se déchire et qu'en dessous il y a une peau un peu verte de serpent. Oh, des aliens, des reptiles. On ne sait pas trop. Bah. Et en dessous, en fait, c'est tout vert, quoi. Et okay. En fait, ils en mince, le maquillage est parti et tout, on est démasqué. Du coup, ils dévorent la groupie et Max. Ok. Du coup, il ne reste plus que Sean qui découvre, lui, à ce moment, à nouveau la grotte. Et vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin, au dénouement. Eh, hey, on est qu'à 28 minutes de Maxi Pitch, hein, c'est pas c'est la mort. C'est correct. Et là, il découvre la grotte avec tous les objets bizarres. Il ouvre la malle et il découvre des vieux vinyles avec la tête des membres du groupe, du boys band, qui sont dans ce groupe depuis les années 50. Et qui n'ont pas changé physiquement. Non. Ils ont juste changé de look parce que bon, le look des années a changé. Il évolue, là, en tête tectonique. Sean comprend tout et commence à paniquer. Là, les groupes arrivent et lui disent qu'il est l'élu, qu'il a gagné. Il demande où est Stacy, donc sa copine, j'avais pas encore dit son nom, mais bon, elle s'appelle Stacy. Mm-hmm. Personne lui répond. En gros, il balance qu'il a tout compris. En plus, il a trouvé les notes et le magnétophone que Jonah avait, le journaliste. Il enregistrait des discussions, etc. D'accord. Donc, il va chercher Stacy, mais il trouve. Ça aussi, on savait pas au début. Il tombe sur une autre groupie. D'accord. Et c'était deux, hein, j'ai dit. Hein. Ah oui. J'ai dit. Le mec se justifie. Oh, j'ai dit, ça va, ça j'ai dit. Qui est chaude comme la braise. Ok. Et elle veut dire, allez, mec, vas-y. Et Sean, il dit, ah, non, c'est pas le moment. Attends, là, je viens de découvrir un gros truc quand même. Ouais, les ouais, mecs, c'est à moitié des serpents et tout. Et là, le groupe arrive et que ça part en clash avec Sean. Sean frappe un membre du groupe. Le maquillage à nouveau est arraché. Allez, c'est fragile. La groupie, elle angoisse un petit peu. Ouais. Et on comprend peu à peu que dans le premier groupe, en fait, c'est un peu le moment révélation. Le leader du groupe explique que dans le premier groupe, il y a eu un accident d'avion. Ok. Qui révèle ça ? Le leader du groupe. D'accord. Vous savez, souvent dans les films, à la fin, ils sont démasqués. Oui, le grand méchant dit tout. Moment explication. Ah, parce que là, du coup, ils se sont battus. Les méchants, du coup, sont en position de force. Bah oui, il reste que Sean quasiment. Et d'accord, la groupie, donc il révèle quoi. Tout comme dans un James Bond. Quoi. Comme dans un James Bond okay. de base. Okay, okay. Et donc, il lui dit voilà, écoute, dans les années 50, notre premier groupe, on a eu un accident d'avion. Mm-hmm. Mais notre manageuse, on a pu nous faire revivre grâce à la magie noire. Sauf que un de nous était trop en mauvais état, parce qu'il y avait un accident trop grave. Son corps était trop déchiqueté, on n'a pas pu le faire revivre. C'est ce qui se passe en général pour un accident d'avion. Et c'était l'âme du groupe, c'est lui qui composait, etc. Ah. Du coup, leur manageuse devait choisir toujours un nouveau chanteur, un nouveau chanteur pour toujours que le groupe continue au fil des années. D'accord. Là, Sean s'échappe, poursuite encore très longue dans le jardin. Donc ils lui font les révélations, il se barre. Lui, il arrive à s'échapper, il les pousse, ouais, tac, tac, tac. Il fait du parcours, je crois, vous avez oublié de le dire au début, mais je crois qu'il faisait du parcours. Un petit peu. Ouais, et là, poursuite très longue, il est rattrapé et se retrouve sur la table dans la grotte où il est entouré, etc. Mm-hmm. Il va être sacrifié quand soudain Stacy, armée d'une arbalète, demande à libérer Sean. Et on comprend que Stacy est en fait la demi-sœur. Même vous, vous y croyez pas à ce que vous racontez. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est assez difficile. Stacy est en fait la demi-sœur de Grodo, le premier chanteur qui a été tué sur la plage au tout début du film. Elle est venue pour le venger. Le chanteur Chop Stacy, le chanteur, le leader du groupe. Je ne sais même plus ce que vous avez écrit. Le chanteur Chop Stacy et l'égorge, alors que Sean prend les poupées bizarres et les jette dans le feu. Et les poupées représentaient les membres du groupe, du coup ils tombent en poussière. Vous lisez tellement textos que... Sean, alors il chope la manageuse. Oh, ouais. Et il ne la tue pas parce qu'il a besoin d'elle. Ouais, et puis parce que c'est gentil aussi. Et là, la scène s'arrête, et c'est la fin du film. L'avion, on voit un avion qui décolle de Lille. Qui attends, sur... c'est la fin du film. Il arrive quoi ouais, avec la manageuse pas... Je vous le dis, là c'est la fin du film. Ouais. Attendez, je vous la raconte. Non, mais je suis impatient, après 32 minutes, j'ai envie de savoir la fin quand même. C'est pas... Il y a une intro avant, on a parlé d'autre chose, souvenez-vous-en. Un avion décolle, il retourne sur le continent et on voit Stacy qui semble aller très bien finalement. Ok. Elle est au téléphone avec la vieille rédactrice qui était la chef du journal de Jonah. On l'a introduit à quel moment elle. Elle lui dit oui, vous avez bien fait, maintenant c'est la carrière solo qui marche. Et là, on comprend que Stacy, elle aussi, est une morte puisqu'elle perd son maquillage et on voit Sean qui est au courant et qui la remaquille. Fin du film. Et Sean fait un petit concert solo de succès. J'en bien. Est-ce que le pacte de sang est un vrai... Ah, putain. Ou un faux film ? C'est très compliqué, pour plusieurs raisons. Vous pouvez encore poser des questions, évidemment. Là, on va... Hein. Non, mais c'est compliqué pour plusieurs raisons. Déjà parce que je vous ai pas vu depuis longtemps. Alors je sais pas, je vous... Ah, ça se perd comme ça. Vous ne connaissez plus quelque part. Ce petit feeling, voilà, c'est, j'ai l'impression d'être un à nouveau puceau du Maxi Pitch, j'ai envie de dire. Après, c'est tellement parti dans tous les sens, avec des trucs qui étaient vraiment pas cohérents aussi. Enfin, il y a des petits trucs d'ombre un peu quand même. On peut le souligner. Pas tant que ça. c'est pas flagrant. Vous êtes un peu... Voilà. Après... je sais pas, c'est dur parce qu'en général, quand vous faites un faux film, mauvais film, c'est assez permanent. Oui, ça, voilà, c'est une constante. Et vous bossez le truc, c'est plus carré, j'ai l'impression. Là, c'est un peu parti en vrille. Mais qu'est-ce qui n'était pas carré, le film? Trop de personnages, ça avait pas l'air clair dans votre tête. Il y avait des situations. Ah, c'était très clair, mais après, je me suis dit, est-ce que Jean-Bire, si je mets plus de personnages, est-ce qu'il va comprendre? Voilà, c'est ça. Ouais, et là, j'ai essayé d'en mettre 3-4. Il y en a plus que ça, les groupies qui arrivent, on sait pas trop comment, la table satanique qui débarque. Il y a une manageuse, oui. 3 prétendants au groupe et les membres du groupe. Vous essayez un peu de vous défendre là quand même, sur la... vous vous sentez un petit peu attaqué là-dessus. Non, peut-être parce que vous l'avez inventé, après je sais pas, je fais la pour... Donnez votre réponse. Moi je pense que c'est un faux film. Pensez que c'est un faux film. Oh non, il se dirige vers sa bibliothèque de DVD, il tire un DVD qu'il avait... Oh la vache. Ok. Oh putain. Ok. Un bon film d'horreur sur les boys bands. Richie Booz vient de, comme je l'ai dit, de se diriger vers sa bibliothèque de DVD et de tirer un DVD où voilà, c'est marqué Retour vers le futur. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous racontez? Non, voilà, le pacte de sang. Très bien. Oh la vache, l'affiche est immonde. On dirait une mauvaise cover de Buffy contre les vampires en fait. Parce que alors, une meuf en premier... D'ailleurs, c'est qui la meuf en premier plan? C'est pas, il y a pas de meuf en personnage principal. C'est Stacy. Ah, c'est Stacy. Ok. Mais alors, oh la vache. C'est un film vraiment, c'est un film complètement crypto-gay. C'est un film vraiment qui est sur l'esthétique érotico-gay. Car le réalisateur de ce film, donc De Coto, a été spécialiste dans les films de genre un petit peu érotique homosexuel. Alors, juste... Ok, déjà, très bien, petite cette info. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en caleçon. En fait. D'accord, et en claquette. Oui. Et par contre, c'est la première fois, enfin en tout cas pour moi, qu'on te dévoile la fin du film au dos de la jaquette. Oui, c'est vrai. Non, parce que c'est marqué, groupe, alors ça tient en trois lignes, puissant et dangereux, les membres du groupe ont sacrifié leur âme pour la récompense ultime, la vie éternelle. Nous voilà, en fait, tout est plié, terminé, bonsoir. Quand Boys Band et Horreur se rencontrent, c'est quand même assez sympathique. Mais pour cela, ils ont besoin de sang écrit en majuscule et avec cette police qui te fait saigner des yeux. On mettre la jaquette sur Twitter. On a besoin de 109. Oh la vache. Bah le pacte de sang. Mais c'est quand même un beau film qui traite de la déchéance des boys bands et de la recette du succès appliqué à l'échelle de l'industrie musicale. Wikipédia? Non. Vous-même? Bah vous croyez qu'il y a un Wikipédia sur le pacte de sang? Il y a un Wikipédia sur Flaubert. Vraiment, il l'a écrit lui. Vraiment pour clasher. Qui est d'ailleurs le réel. Non mais juste alors en un instant. Ouais, donc David de Coteau, allez voir tous ses films. C'est-à-dire que tous les films ont la particularité, comme j'ai dit, d'être fantastique. Donc il y a la science-fiction, il y a tout ce qu'on veut, mais avec une couche d'esthétique homo-érotique tout le temps, et c'est assez fameux. Et tout est collector dans le film. Donc le jeu, la musique, les costumes. Et donc, comme vous le disiez, et là vous avez été très clairvoyant encore une fois, il fait partie de tous les films qui ont suivi le succès de Buffy. D'accord, qui était de 97 à 2003. Ah, Buffy. Okay. Et en fait, il y a eu beaucoup de films avec cette thématique un peu mêlant satanisme, adolescence. Ouais, on retrouve tous les codes. Messe noire, etc. Ouais. Les auditeurs verront, j'espère, la jaquette, mais c'est vraiment du Buffy. Enfin, il y a la meuf en avant qui est plutôt bien gaulée. Derrière, t'as que des mecs, bah voilà, donc d'un boys band, enfin, genre hyper beau gosse. Enfin, voilà. Ouais, et avec les éclairs, la lune noire derrière, enfin bref, tout est t-shirt parfait. Mais encore une fois, après. J'espère, ouais. Et la quatrième de couverture qui te dévoile la fin en trois lignes est juste parfaite. Très bien, vous avez encore perdu. Eh ben oui, je sais. Mais par contre, là, je suis presque content d'avoir perdu parce que vraiment bravo. Mais alors, j'ai rajouté encore un truc méta dans le fait de faire semblant de me tromper, de faire semblant de faire des erreurs. Ouais. Il y a tout ce côté-là, en fait, qui devient très compliqué pour vous parce que ça devient complètement méta. Voyez, le vous avez vraiment fait exprès de vous tromper. Oui, bien sûr, des toutes petites erreurs, des toutes petites hésitations placées par ici. Je vous cache pas que je m'en suis douté un peu. Oui, mais toujours, vous doutez que je fais exprès de. Bah, là, on est parti dans une telle mécanique. Dans un tel défi de l'esprit, c'est presque au niveau des échecs maintenant. Ah bah, hein. Le maxi pitch entre plus nous. Que ça. C'est comme le chess rolling. J'ai confondu chess boxing et cheese rolling. En fait, c'est les du coup, c'est les mecs qui font descendre une pente avec un fromage en se collant des gros pains dans les gueules. Ils jouent aux échecs en courant après un fromage dans une descente. Parfait. Enfin voilà, petite pause, j'ai bien pour se remettre de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, merci. Yo, Mier Pops, Coco Pops, Frost Trees and Golden Grams, Appen Minis, Chaka Peaks and Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, Smack, de la station. Oh, vous touchez le téton. Un peu. Je me dandine. Vous avez perdu au maxi pitch, j'en viens. Ça fait trois fois. Touche la pine. Oui, c'est vrai, ça fait trois fois. Mais d'un autre côté, là, ça a été exécuté de façon brillante, j'ai envie de dire. Dany brillante. Exact. Daniel brillante. La version. Daniel Prévost. Ok. J'en ai pas d'autres. Il y a un homme Prévost en vote 2. Je vois aussi que vous avez que je suis. Mais oui, il fait très chaud. Oui, il fait très chaud. Ah putain, oui, on aurait pu ouvrir d'ailleurs un peu. Non, je vois surtout que oui, vous mettez maintenant de façon volontaire des maladresses, des erreurs, des ah non, j'ai pas cette info là. Alors que ah oui, je tenais à le préciser aux auditeurs. Il y a des vraies maladresses, évidemment. Évidemment. Mais il y a beaucoup qui sont comme un petit peu calcul. Je tiens à préciser aux auditeurs que Richie m'a avoué offline qu'il avait le titre original et qu'évidemment il a fait genre ah je le trouve plus, je l'ai pas trop, et je vais inventer. On se demandait, on va vous demander un peu votre avis à vous les tweetos. Ah, on va faire un sondage sur Twitter. Est-ce que vous pensez que c'est triché ou pas? Moi je ne pense pas. Je pense que j'ai le droit de jouer de toutes mes armes pour essayer de tromper mon petit Jean-Bierre. Bah comme avec votre femme. Quoi, mais moi Jean-Bierre c'est comme engueuler antenne en me disant mais comment t'as vu, tu me ridiculises, tu te rends pas compte. Non, j'ai une street cred. La street cred de Jean-Bierre Bernaud et high level. Ouais. Non, mais au contraire, je suis complètement d'accord avec ça et je trouve que ça ajoute un petit peu. Parce qu'à la fin, c'était devenu fat, c'était devenu pénible, ça avait très peu d'intérêt. Je vous écoutais à peine, j'arrivais à trouver la réponse. Là, c'est bien, ça ajoute un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu Le piment d'Espelette, j'adore ça, mais je préfère le piment d'Espelette. Alors, la prochaine chronique, c'est un nouveau jeu, c'est quelque chose de. Ah, j'adore nouveau. Les jeux, j'adore jouer. Très bien, parfait. Alors, ça appelle. Très satisfait pour le coup. On avait dit la bienveillance. Pardon, excusez-moi, j'en viens encore. Je me fais chier à inventer des jeux. Ça s'appelle le jeu des acronymes. Ah, j'adore. Ah, bah oui, je sais que vous avez une passion pour les acronymes. Les auditeurs qui nous suivent un peu depuis. Les acranes Maury aussi. Puis des acranes. Ouais, ok, cool. Rien à dire. Ah, je sens qu'on retrouve la fibre un peu des émissions d'avant. Le jeu des acronymes, c'est très simple. D'accord. vais vous donner des acronymes. Oui. Ah oui. Oui. Bah oui, oui, c'est ouais, sans surprise. Hein, moi, je vous cache rien. Okay. Je donne des acronymes. Si vous trouvez le bon acronyme, vous marquez un point. D'accord. Très bien. Si vous arrivez à inventer un acronyme qui est un tant soit peu cohérent et drôle en moins, on va dire, de 3-4 secondes, parce qu'il faut que ça soit rythmé quand même. C'est quoi la première possibilité ? C'est de trouver le bon acronyme. Ah, il est vrai, d'accord. C'est-à-dire, je vous donne un sigle, j'en sais rien, moi, ANPE, qui doit peut-être tomber d'ailleurs dans ce que je vais vous dire. Si vous trouvez le bon, vous marquez un point. Si en moins de quelques secondes, une poignée de secondes, vous arrivez à trouver un faux acronyme qui n'existe pas, mais qui a un temps soit peu cohérent et drôle, un temps, voilà, et ben là, vous marquez 2 points. Très d'accord. bien. Vous l'avez. En fait, je vais calculer les points, chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire tête, ouais. à Fruits de la Station. De quoi ? Dans votre tête. Je vais aussi les noter, parce qu'en fait, je pense que le jeu de l'acronyme va revenir en plusieurs reprises. D'accord. Et pour faire un petit peu des courbes de votre niveau de progression. Comme et une savoir... courbe de croissance. Exactement, comme une courbe de croissance. Exactement. Attention, il va excusez-moi. Il y a des points de crier, bonus. Hein, bien. Pardon ? Vous n'êtes pas obligé de crier. Ah oui, pardon, c'est vrai, je parle très très fort. Non, c'est vrai, je viens de me rendre compte. Oui, je le vois sur le logiciel. Je vous le dis comme ça, c'est dit sans malice, hein, sans méchanceté, mais vous hurlez. Je parle très très fort. Je crois que j'ai très très hâte de ce jeu, en fait. Après, allez-y. Pardon. Et il y aura aussi donc, les points bonus qui vont en fait être des acronymes en anglais. Donc là, vous allez être prévenu, je vais vous le dire avant. Attention, ça, c'est un acronyme en anglais. Ça devient compliqué. Mais encore je dois une aller fois... dire en anglais, du coup, trouver des mots anglo-saxons. Ouais, alors, si vous trouvez le bon... Saxons. Saxons, oui, évidemment. Si vous trouvez le bon, vous marquez un point également. Ouais. Par contre, si vous arrivez à en inventer un en anglais, là c'est du 5 points. Ouais, vous êtes compliqué. Ouais, hein. Je sais, mais bon, bah, c'est pas dur. Hein. C'est soit vous trouvez le bon, soit vous inventez. Et après, okay. C'est moi qui gère les points. C'est vous qui gérez après votre tambouille interne. Hein, exactement. Comme j'aime à le dire en parlant. Exactement. De... Vous êtes prêts ? Il faut que ça aille très vite, par contre. Oui, parce que je dois répondre vite, évidemment. Un acronyme inventé en plus de 5 secondes... En plus de 5 heures, avec papier crayon, c'est... Qui sera inventé dans le même temps que le pitch de l'improbable. Mais j'ai une légère dyslexie, ce qui fait que je risque d'inverser les lettres, mais c'est pas grave. Vous avez un point handicap. Ouais, ok. Vous avez le droit. Très bien. Écoutez, je suis chaud. Très bien. Alors, je bois une petite gorgée. Vous pouvez... Chauffez-vous la bouche, moi aussi, ça ouais. me... Ouais, ça... me préparer. Puis surtout, vous avez tellement hurlé qu'il faut un petit coup, quoi. Désolé, j'ai inventé ce jeu-là il y a 2 mois, j'avais trop envie de vous en faire barre. Allez-y. Ok, c'est parti. C'est parti. 3, 4, BTP. Bâtiment très pourri. 2 points. BTS. Bâtiment très souple. C'est juste hein, quand même. Bah oui, mais il fallait une lettre. Fallait changer de lettre. Ok, VTT. Vélo tout terrain. 1 point. VTC. Vélo tout chemin. 1 point. Organisation des Nations Unies. Oh, pardon. Ça, c'est votre spécial. C'est vraiment... Et vous devez retrouver l'acronyme GE. Oh, ok, 0 point. CNRS. Comité National Ragonde. Non, je crois que c'est perdu. Ok, on est sur du 0 point. Là, j'ai une dyslexie. C'est pas grave. CGT. Comité Gestionnaire Tout à l'égout. Je te valide pour le petit côté chanté qu'il y a eu. Donc vous êtes sur du 2 points, voilà, avec ma grande bienveillance. Dréal, quoi? Un peu. Ouais, pardon, j'ai pause. Pas compris. Oui, pause, break, tempo. Ouais, ça va clairement augmenter en difficulté. C'est-à-dire qu'on est parti sur des trucs assez simples de 3 lettres, BTP, BTS, VTT. Ne criez pas. On va augmenter clairement. Mais là, j'ai même pas compris que c'était. Dréal, la Dréal, D-R-E-A-L. Dréal. Ah, D-R-E-A-L. Ouais. La direction régionale étrangère, amitié et laïcité. Parfait. Écoutez, ça marche. Hein. J'espère qu'elle sera créée un jour. Le plus. PLU. PLU, le prout luxuriant urticaire. Parfait. 2 points. Je suis cool. Moyen. Attention, un en anglais. Mais c'était quoi en vrai le plus si vous... Le plan local d'urbanisme. Ah oui. Classique pour un aménageur du territoire. Un en anglais, BIT. B-I-T-E. Le Bureautique International Transition. Il manque un E. Eh, je voulais monter mon cheval. Désolé, pas validé. 0. SFR. Société Française de Radiotéléphonie. Ça, c'était vraiment pour montrer votre culture. C'est, parce que c'est exactement ça, oui. C'est radiotéléphonie, radiofréquence. Non, radiotéléphone. Ah ouais. Pas téléphonie, téléphone, voilà. Mais bon. IVG. Interruption volontaire de gras. Non. Oh. Ouais, ça passe. Non, celui-là, je mets 1,5. Tiens, je me réserve le droit. SDF. Sandrine Dignefi, soutien de famille, scotche des formulaires sur des frigos sortant de fabrication. Soignée, dévouée, futée, elle se donne fièrement à son devoir de femme. C'est évidemment pas de moi, je ne me permettrai pas. C'est une chanson des non-propos. qui s'appelle SDF et qui reprend toute la chanson comme ça, donc c'est j'ai pas pu me sortir ça de la tête. C'est toute la chanson qui reprend SDF comme ça. Ah, putain, c'est génial. Tout le long, sonnerie départ full, Sandrine devient folle, etc. Et c'est toute la chanson. Oh, c'est parfait. Et en fait, c'est tellement bien fait que cette chanson, je l'ai écoutée pendant longtemps et j'ai compris qu'après bien des écoutes, que c'était SDF. Que c'était en fait ça tout du long. D'accord. Alors, voilà, je ne vais wow. pas me prendre les lauriers. Tout de même, je me prends déjà assez de cuites comme ça pour me prendre des lauriers. Même si une petite feuille de laurier dans un ragoût est toujours la bienvenue. Très bien. Non, mais quand même, pour la découverte, je vous mets 3. Merci, c'est bien aimable. Vous avez remarqué que ce système de points était complètement aléatoire. Vous êtes très gentil. Ah oui, je suis dans la bienveillance. Ça se complique un petit peu, on passe à des... Ça se complique un petit peu. OVNI. Objet volant non identifié. Un point. Sylph. Sillon. Non, c'est avec un C. Mais... Ah ouais, mais comment le savoir ? Ah, c'est vrai. C-I-L-F. Sylph. Ok. Croûte interlubiana familiale. Désolé. Pas validé. Familiale, non. Il y en a combien ? Pardon ? Il y en a 45. Oui. Ah, c'est un long, hein. Vous savez que je suis en âge. Oui, pardon, excusez-moi. Et puis en plus, ça vous met sous pression, hein, je me rends compte. Autant. Autant n'emporte le vent. Non, mais je me doutais. Vous avez le droit à une deuxième chance. Dépêchez-vous. Okay. Organisation territoriale américaine nationale. C'est Transatlantique Nord, c'est ça ? Traité de l'Atlantique Nord, Nord ouais. Bon, allez, un point, allez, parce un que point c'est, ça collait vraiment à la réalité. SICAV, S-I-C-A-V. Ah, oui. Société internationale des camemberts américains volontaires. Deux points, il y a souvent passe. Des camemberts. Oui, oui. Pour oui, moi, tous les C seront camemberts, dorénavant. Très bien. Ah bah, ça tombe bien. CFDT. Le comité... Français. Camembert. Comité français de travaux. De Travelo, pardon. C'est comité français. Il manque un D. Hein. CFDT. De Travelo. Oh, pardon, excusez-moi. Autant il y en a bon deux. Hein. Deux points. Un prochain qui passe en anglais. Et ce sera le dernier. Accrochez-vous. Si celui-là, vous le remportez, c'est 6 points. J'ai jamais vu dans le jeu des acronymes. Hein. Oh, non, non. L'UNICEF. L'Union nationale internationale communautaire étrangère flamenco. Il est validé, 6 points et bravo! C'était la première du jeu des acronymes. Très bien, voilà. C'était un bonheur, j'aime beaucoup. Ouais, même si ça me fait transpirer. Oui, par contre, j'ai vu que ça vous a mis sous et pression. Et même si vous criez de plus en plus, oui, je sais pas quoi faire. J'étais mais... vraiment bouillant pour le jeu, j'avais trop hâte. Voilà, il y a les voisins de la cabane de mamie qui vont, désolé, qui vont venir frapper. Hein. Autant pour moi, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus tranquille. Un petit peu cosy. Ouais, un petit peu cosy. Alors, je sais pas. Moi, j'ai fait ce petit jeu-là. Vous avez fait encore... ES aussi, lycée. Oui, exactement. Mention assez bien au bac. Moi aussi. Grâce à mon 16 en philo. Non, pas en philo, pardon. En sport. SES. D'accord. Ouais. 6 en philo. Ah, 14 pour ma part. C'est vrai ? Vous avez fait L, vous n'avez pas L, fait ES. Littéraire. Oui, bah... Ok. Bah, c'est la philo là où elle est la plus compliquée. On a oui. plus d'heures. Oui, enfin, il y a juste la philo de compliquée, quoi. Bah, ouais. Enfin, vous avez plus d'heures, oui. De philo, oui, vous avez plus d'heures. Autrement, le reste... C'est pas non plus. Vous savez que... et je pense qu'il y a majorité de... Dites-le dans les coms. Est-ce que vous avez fait comme filière ? Ah mais non. Non, en plus, je suis sûr qu'il y a plus de scientifiques qui nous écoutent. D'ailleurs, c'est le bac qu'on embrasse sous les bacheliers. Ah oui, bah, évidemment, on pense à eux. Hein. Oui. L'épreuve de français pour les premières aujourd'hui. Oh, à l'oral. Gag visuel, hein, toujours. Est-ce que vous avez un petit peu autre chose sous le coude ou est-ce que moi j'enchaîne sur un petit truc qui est pas forcément. Voilà, mais. J'ai autre chose sur le coude. Très bien. Vous voulez enchaîner maintenant une petite pause, c'est comme vous voulez. Non, j'ai quelque chose à vous dire. Oh là là. J'ai lu quelque chose. Ok. Qui vous a bouleversé ? Qui m'a bouleversé. Très bien. De plus en plus de gens aux États-Unis partent en retraite à 35, 40 ans. C'est quoi ? C'est des anciens militaires ? Non. C'est qui ? C'est des personnes qui travaillent dans des entreprises. En général, c'est des hauts salaires qui, en fait, mettent de côté. Ouais. Et en fait, par exemple, bon, ils ont un très grand juste poste. Juste pour les auditeurs, on repasse dans une phase un peu sérieuse. C'est ça, la station, parce que c'est une salade c'est de fruits. Coup, on tombe sur un petit bout de melon, c'est un coup, beau. On tombe sur un raisin. Et on a toutes les saveurs qui s'enchaînent, qui se mélangent et qui deviennent cohérentes et bonnes lorsqu'on les a toutes en bouche. Un peu comme... comme un boukake. Salade de boukake. Tellement content d'être ici. On fera une sorte de podcast parallèle qui sera boucaqué de la station. Mais qui parlera de sujets un petit peu plus... Non, alors, donc j'ai lu ça, oui. Ça m'a intéressé. Donc c'est en fait des personnes... Donc, évidemment, c'est des salaires plutôt élevés, hein, faut être honnête. C'est pas... Mais c'est des gens qui vont commencer à travailler, on va dire, vers 23, 24, 25 ans. relativement jeunes. Qui en fait jeunes, vont travailler pour, voilà, pendant 10-15 ans, jusqu'à 35-40 ans, mm-hmm. et qui vont, au lieu de profiter de leur haut salaire pour s'acheter une maison plus grande, une voiture plus grande, vont continuer à avoir un mode de vie quasi étudiant, d'accord. quasiment galérien, c'est-à-dire habiter dans un appart minuscule, mmh. dormir sur le clic-clac s'il faut, être en colocation, manger vraiment des produits très basiques, manger des haricots tous les jours s'il faut, pour ouais. mettre énormément d'argent de côté dans le but de s'acheter une maison directement, dans le but d'investir un petit peu, de garder un peu d'argent de côté pour se faire un revenu et pour tout simplement sortir du monde du travail le plus tôt possible et d'arrêter de travailler. Mais en 10 ans, ils arrivent. Bah oui, ça semble peu. On peut imaginer que par exemple sur le système français, ouais. si on met 500 euros de côté par mois, parce que là on est vraiment sur un système d'épargne énorme, c'est-à-dire qu'ils louent un tout petit appartement, ils sont vraiment en train. Donc, voilà. Je sais pas, mettons, après je sais pas quel est le salaire moyen. Ça fait 6 000 euros par an. Ouais. Sur 10 ans, ça fait 60 000 euros. Mm-hmm. On peut tout à fait s'acheter une maison tout à fait correcte du coup dans la cambrousse, parce qu'évidemment ils restent pas dans les grandes oui, villes, ils vont ensuite, qu'ils habitent pas et après Manhattan, ils ont un système mais... de vie complètement différent, complètement alternatif, ah oui, mais ils ont plus besoin de travailler. Ça veut dire que après leur départ à la retraite en guillemets, ouais. ils continuent à avoir ce mode de vie là. Bah non, parce qu'ils sont quand même propriétaires. Non, ils sont propriétaires. Mais après, ils arrivent quand même à avoir une maison et à ah bah oui, parce qu'en non, fait. Parce que 10 ans, pour moi, c'est peu, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que oui, c'est pas mais... beaucoup pour épargner autant pour tout le restant de sa vie. Alors, en fait, ils arrivent ça parce qu'ils arrivent aussi à faire quelques placements. D'accord. Pour profiter de leur argent, mais je vous dis, c'est quand même des hauts salaires. C'est pas des. Voilà, c'est quand même vraiment ouais. des très hauts salaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui pourraient avoir une. Je sais pas, un gros 4x4, un putain d'appart dans Manhattan, etc. et qui habitent vraiment dans un quartier très loin, dans un appart minuscule, ouais, et qui, pourri, qui ouais. vont en vélo, qui mangent des haricots rouges toute la journée, et qui ouais, va. Ouais. Mais dans le but de se dire, dans 15 ans, c'est je bouclé, sors de système, j'arrête, quoi. Et du coup, j'ai économisé là où j'aurais tout dépensé, et en fait, chaque année, j'aurais dépensé mon argent pour oui. un an. Là, chaque année, je dépense trop peu d'argent, ce qui mm-hmm. fait que j'ai 2 ans. D'avance à chaque fois. D'accord, sur okay. ce peu de dépenses. Ce qui fait que quand j'aurai 15 ans, il me restera 30 ans après 30 ans pour de... vivre dans un endroit différent, moins cher, un mode de vie différent. Mmh. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait. Je voilà. trouve ça très intéressant. Vous seriez prêt à faire ça vous? Bah j'ai pas un très gros salaire parce que fruit de la station, le Tipeee là, ils attendent à peine les 13 euros. 13 balles, ça fait pas lourd chacun, c'est vrai. Ça fait même pas une tente que je sois d'occasion, on a encore non, souillé dans un vieux festival quand même. C'est une belle comparaison déjà. Et ouais, moi je me pose la question, est-ce que je serais prêt à faire ça? Honnêtement, je pense pas que je serais prêt à le faire. Parce que vous, c'est métier passion. Ouais, fruit de la station, etc. Non, mais parce que, je sais pas, je me dirais que... Déjà, parce que je pense pas que j'ai un salaire suffisant pour avoir 2 ans d'avance. Même si je gagne extrêmement bien ma vie. Enfin, je veux dire, la confection de chaussettes en boîte cagette, c'est quand même pas de la merde. Oui, mais c'est, le problème, c'est que vous savez bien que c'est clivant. Non, mais oui. Non, mais, c'est très clivant. Clairement. Surtout pour les gens qui ont des jambes de bois. Et oui, ça fait temps sur temps. très bien. Donc... Genre bien, voilà, vous m'avez demandé si j'avais quelque chose à dire. J'avais quelque chose à non, dire. Très bien, on peut faire une petite pause. Ok, du coup. Petite pause. Très bien, merci. Fruits de la station. Fruits de la station. Jean-Pierre Bernaud et Richie Bouze. Oh, bon, Jean-Pierre. Vous m'avez surpris, oui. Oh là là, comment allez-vous? Mais très bien, écoutez, moi, ça faisait. Voilà, ça me fait énormément Monsieur plaisir. Maman. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Pascalino? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lino. Quoi? Pascalino me dit qu'il y a quelqu'un dehors. Ah. Je vais aller voir ce que c'est. Vous allez ouvrir? Ouais. J'ai la flemme de me lever. C'est quoi, il y a un bruit? Ah, je vois une. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh non, putain. Oh putain, ça faisait longtemps. Jean-Bierre. Ah, la vache. Jean-Bierre. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, mais putain, mais Jean-Bierre. Vous revoilà, quoi. Bonjour. Bonjour. Oh, on me dit Jean-Bierre. Vous allez bien? Mais ça me fait plaisir de voir. Tu me croyais morte, mais mon je. Jean-Bierre. Pas morte, mais on va dire que c'est inattendu comme. Il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il s'est... Est-ce qu'on est à l'antenne, là? Oui, ça enregistre. Richie est où? Richie est pas là? Non, bah, je crois qu'en... Enfin, je veux pas vous vexer, mais je crois qu'il est sorti pour voir qui était là. Enfin, bref, il va revenir quand vous serez plus là. Je suis pas morte. C'est vrai, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez bien... J'étais parti en Suisse. Petite mine, hein, quand même. J'étais parti en Suisse. Ouais. Pour en finir. Ah, oui. Mais oui. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré l'amour? Oui. C'est vrai? Le médecin. Ah! Oh! Finalement, c'est pas son aiguille qui m'a enfoncé, oh, si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai une petite oui, idée. Jean-Bierre, je reste une femme. Hein. Oui, non, mais clairement. Richie est pas là. Non, il est. Je vous dis, il va sans doute revenir quand vous. Enfin, voilà. Je vous donnerai. Enfin, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il allait peut-être pas être là. Alors, bon, j'ai écrit une lettre pour lui. Ah, vous? Ok. On n'arrive jamais à se voir. Alors, j'ai écrit une lettre que je voulais lui déposer. Mais si on est. Alors, avec votre émission que vous faites. Mais là, oui, vous on est à l'antenne, profitez des. Je peux lui lire. Des milliers d'auditeurs qu'on a. Allez-y, tout le monde vous écoute. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Ça fait plaisir. Allez-y, d'accord. Mamie. Ah non. mon petit Richie, quand je me suis occupé de toi... Ça pue la merde, vous vous êtes fait dessus ou quoi? Ça pue vraiment, par contre. Quand tu n'étais encore... Non mais, c'est la caisse du chat qui est pas changée. Vous avez fait Je suis malade. Non mais là, ouais, il y a un état des... Je peux recommencer, s'il vous plaît. Allez-y, pardon. Attends, mon petit Richie. Excusez-moi, c'est l'émotion. Excusez-moi. Jean-Pierre, oui. S'il vous plaît. Pardon, c'est moi. S'il vous plaît. Ouais. Mon petit Richie, quand je me suis occupé de toi, quand tu n'étais encore qu'un petit bébé, c'est vrai que je t'ai beaucoup secoué pour que tu arrêtes de pleurer. Dans le quartier, on t'appelait l'enfant omelette, tellement je te battais. Mais chaque coup, et ça j'aimerais qu'il le sache vraiment, chaque coup que je te donnais me faisait encore plus mal à moi-même. J'ai même eu les mains en sang, une ou deux fois. Enfin, tu sais ce qu'on dit, autre époque, autre mœurs. Toujours est-il que quand tu as grandi, tu es devenu un petit jeune homme brillant et que j'ai été très fier de toi. C'est touchant. Surtout quand tu as obtenu ton permis de conduire une voiture sans permis à seulement 28 ans. Quand tu as participé au concours du plus gros mangeur de terrine et que tu as terminé 3e. Oui, Jean-Bien, il avait terminé 3e. C'est beau, c'est très beau. Oh, la terrine, qu'est-ce que tu aimais ça. Tu en utilisais même pour me soigner en concoctant des cataplasmes à base de terrine forestière pour soigner mes escarres. Oh, et puis, nos chemins se sont séparés. Tu as volé de tes propres ailes pendant que moi, je suis restée au sol, trop vieille, trop lourde pour me déplacer. Oh. Tu as entamé une vie professionnelle riche et passionnante. Et c'est vrai. Après seulement 5 ans de stage, tu es devenu responsable couleur au centre impression 2000 à Guémené. Guémené sur Scorp. Oui. Ah, parfait. Et quand tu as tout plaqué pour devenir YouTuber, j'ai été la première abonnée de ta chaîne, Richie fait des sketchs. Oh, je me souviens encore au cybercafé quand je riais aux éclats devant tes vidéos. Oh, je me souviens, vous le connaissiez quand il faisait ça, Jean-Pierre. Oui, mais je devais être le 2e abonné. Sa vidéo, les différents types de terrines. C'était magnifique. Comment manger une terrine sans en mettre par terre et surtout ne pas la confondre avec sa voisine qui s'appelle Périne. Oh, joli. Terrine et cataplasme aussi, oui. Évidemment, qui découle de ce que vous venez de dire. Ah oui, j'ai ri, mais j'ai aussi appris des choses avec sa vidéo Lénine, Staline, terrine. Enfin... Pourquoi je te raconte tout ça? Quand je suis parti en Suisse, c'était pour en finir, mais j'ai compris que plus que de mourir, j'avais envie d'arrêter de vivre. Et au moment fatidique, ce n'est pas seulement les beaux yeux de Hans qui m'ont redonné espoir, c'est toi, Richie. On n'aurait pas dû se rencontrer, je n'aurais pas dû t'élever, mais c'est comme ça. C'est notre destin. J'espère juste que tu me pardonneras. Quand je t'ai vu, que tu n'étais qu'un bébé, tu étais si beau que j'ai eu peur de te gâcher comme on m'avait gâché, moi, quand j'étais une enfant. Tu sais, quand on a peur, on détruit tout, on salit les choses belles pour qu'elles deviennent inoffensives. Et quand, malgré tous nos efforts pour ne pas souffrir, on se retrouve encore plus seul, alors on veut en finir. Mais plus maintenant, parce qu'il fait beau dehors et que j'ai appris quelque chose. Je t'aime, mon Richie. Voilà, j'ai mal au cul sur cette chaise, alors je me casse. Je vous en prie, j'ai l'alarme à l'œil, je vous retiens pas. Mais j'espère vous revoir très bientôt, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait vraiment très plaisir. J'ai croisé la vieille pute. Elle vient de se barrer, hein. Ouais, elle vient de se barrer, ouais. Je croyais qu'elle était crevée, moi. Non, mais parlez pas trop d'elle comme ça, c'est vraiment. Pourquoi? Elle est adorable. Et elle vous a laissé un petit cadeau que vous découvrirez. C'est donc elle qui rôdait autour de la cabane, c'est ça encore? Oui, c'est elle. Ouais. Elle nous l'avait donné, la cabane, elle est plus censée rôder autour non, du tout. Non, mais hein. Elle est pas venue la réclamer non plus. Vous inquiétez pas. Tout se passe okay. Très bien avec elle, elle est en pleine forme, elle va très bien. Bah, c'est très bien, je suis content. La main sur le cœur, et voilà, elle vous a laissé un petit message que vous découvrirez en tant que nos auditeurs. Okay. Très bien. Et franchement, elle est voilà. Je suis désolé, je suis encore un petit peu aimé, un petit peu voilà. Elle a dû raconter ses conneries, quoi. Mais oui, mais pas que. Je veux pas vous gâcher la surprise, mais c'était très beau. Bon, quelle est la suite des événements, Jean-Bierre? Moi, ce que je vous propose, c'est de. Alors, c'est que franchement, je vous laisse le choix. soit on continue sur un petit jeu, soit on arrête Fruit de la Station. Soit complètement on arrête. Soit on termine par une épreuve. Par contre, ne criez pas quand même. Pardon, je crie pas là. Arrêtez. Ouais, soit on termine par une petite épreuve, un petit peu finale, qui pourrait aider à conclure ça. Soit on arrête l'émission, soit on termine par une épreuve. Bah, en fait, soit je continue, et puis voilà, blablabla, on peut discuter de trucs. Mais autrement, moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit jeu qui viendrait conclure. Je veux bien un petit jeu. Un petit jeu qui viendrait conclure cette émission. Ouais. Et après, on se quitte sous de bons rapports. On se quitte bons amis. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose d'entièrement plagié, qui n'est évidemment pas mon idée, qui vient des States. Non, pas du tout. C'est le retour du Burger Quiz. Faites attention à Copy Comique. Hein. Ah oui, pardon. Non, mais là, du coup, je le dis d'avance. C'est le retour du Burger Quiz. C'est le retour du grand Alain Chabat. Ouais. C'est sans doute une des personnes les plus drôles qu'on doit avoir en France. Avec Malik Bentala. Faux. Parce que faux, vraiment faux. Vraiment, là, non. Ah bon, bah, mais voilà, avec Thomas Sisley, par contre. Oui, Thomas Sisley. Et Titeuf qui fait ses pubs pour le sport. Eh bien, moi, Titeuf, il a tout fait lui-même. Oui, si en plus il les avait piqués, ça serait vraiment pas de bol. Je vous propose un petit burger de la mort. D'accord. C'est vrai ? Vous êtes chaud pour ça ? Carrément. C'est toujours quelque chose qui m'a énormément stressé. Et si vous êtes bon au burger de la mort ? Moi, non, je suis extrêmement mauvais. C'est pour ça que moi, je le fais, vous allez y répondre. D'accord, très ça bien. Ça vous va ? Ouais, carrément. Très bien. Chaud. Parfait. Vous connaissez parfaitement les règles. Oui. Je les rappelle rapidement pour les maigres auditeurs qui ne doivent pas les connaître. Et puis s'ils ne les connaissent pas, bah, allez mater un burger quiz. Ça sera de meilleure facture. Je vais poser des questions à Richie Booze. Je vais poser 10 questions à Richie Booze. Je peux prendre les notes ? Bah non. Du coup, je vois que vous avez quelques lacunes quand même sur les règles. Je vais poser 10 questions à Richie Booze. Il ne me donnera pas les réponses tout de suite. Il va devoir les mémoriser et ensuite me les redonner dans l'ordre. C'est ça. Et s'il gagne, s'il arrive à me les redonner dans l'ordre, il gagne une Jeep Renegade. Renegade. Voilà. Renegade. La Jeep Renegade. C'est Bruno Salomon qui fait la voix, je crois. C'est vrai ? Ouais. Ouais, j'aime énormément cette émission, mais j'en ai marre de cette pub, quoi, putain. Oh. À l'un côté, parce que je... Vous êtes déjà, vous piquez tout le contenu de l'émission, en plus vous la critiquez. Hey, j'ai inventé les questions, ok. Ouais, c'est vrai. Vous avez pas mal. Je suis sûr que le concept n'est pas de. Ah non. Le concept, non. Les questions, oui. Non, mais je veux dire le concept, je suis sûr que ça a été fait forcément avant, de toute façon. Le côté de poser des questions et les réponses à donner après, je pense que c'est vieux comme le monde. Peut-être. C'est comme donner les réponses en décalé d'une question après l'autre, tout ça. Je pense que ça a plus ou moins toujours existé. Je sais pas, c'est un escroc, mais voilà. Pour moi, c'est une merde. Vous êtes prêts ? Oui. Ok. Musique qui fait peur, du coup. Oui, parce que c'est pas la lumière qui fait peur, c'est la musique qui fait peur. On laissera Pasqualino gérer ça. Vous êtes prêts ? Oui. Je la fais à la Alain Chabat, c'est-à-dire énormément de temps entre chaque question. Pas trop. Très bien. Mais où est donc passé Ornica ? Comment traduisez-vous « Je veux des carreaux drapés » dans la langue de Pasqualino ? Quels ont été les derniers mots de Morane ? Les chaussettes de l'archi... Un peu de temps entre les questions. Pardon ? Un peu de temps entre les questions. Ok, excusez-moi. Vous voulez que je recommence ? Non, non. Très bien. Oui, vous avez raison, je vais boire une gorgée de vin. Non, oui. Vous n'avez pas terminé votre question. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Citez-moi une référence d'un meuble Ikea. Zéro plus zéro égale... Au début du film La classe américaine, on nous prévient que ce film n'est pas un film sur le... Complétez cette phrase, sinon vous pouvez dire réponse à la question 7. Imitez le rire de Laurent Ruquier. Quelle est la réponse à la question 6 ? Et enfin la dernière. Vrai ou faux ? La marionnette de E.T. était en réalité interprétée par Mimi Mati qui avait passé 8 heures dans un pédiluve. C'est à vous, Richie. Allez-y. À Pontivy. I want carrot J'ai raté ma carrière. Elles sont sèches. Grote pubehir. La tête à Toto. Réponse 7. La tête à Toto. Et merde. Ah non. Dis un truc. Est-ce que tu trouves il y a le buzzer? Faux, vrai, faux. Oui. C'est... Oh la vache. Ok. Putain, je suis... C'était chaud. Alors vraiment... Bravo. L'espoir éternel. Applaudissements personnels. Alors déjà, il faudrait contacter la prod pour que vous ayez votre Jeep. Et on, ouais, en vrai, bravo de ouf, parce que je crois que j'ai vraiment jamais réussi. Au début, les premières émissions, j'essayais de le faire. En fait, ça me stresse tellement. C'est vrai que ouais, ça m'angoisse. Je pars toujours sur le principe que j'arriverai pas. Et du coup, je suis là, oh non, c'est horrible. En plus, les questions sont stupides, du coup, ça te fait rire. Du coup, tu perds un peu le fil. Et je vous ai mis la question piège que je trouve horrible, c'est quelle est la réponse de la question 1 à 1 qui précède, et je trouve ça affreux. Et vous avez tout fait nickel, et sauf la dernière que j'ai un peu tardé, mais ouais, mais je crois, si je reprends les règles de Alain Chabat, c'est 7 secondes. Je sais pas si vous les avez dépassées, je suis pas sûr. Ouais, je suis transpiré aujourd'hui, j'en viens. Je voulais vous dire bravo, merci. C'était une émission éprouvante pour vous. Merci à tous, c'est notre tour, et on le dit, on sera de retour plus fréquemment. On espère vraiment, et on fera tout pour, parce que c'est à chaque fois un réel moment de plaisir, et j'y ai pensé chaque jour. Moi aussi, j'en ai, vous m'avez manqué. Gros bisous, aussi, et à bientôt sur Fruit de la Station. On vous embrasse.